écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Sébastien Bigartin, qui se situe juste par là. Pour les gens à la radio, c'est par là. Oui, c'est super clair. Ça va bien? Ça arrête pas d'être clair. Mais t'avoues, c'est tellement clair comment tu dis que même moi, je me retrouve pas. Veux-tu un autre snooze? Veux-tu un coup de mon oreiller? Ouais. Ça va être le moment de l'accueillir pour sa chronique éditoriale qu'on appelle, comme ça, subtilement, sans trop que ce soit officiel, le bulletin Gartin. Bonjour Sébastien F. Gartin. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour Stéphanie Paradis. Hey, hey. On se trouve une autre famille le matin. Ça a l'air à ça, ça a l'air à ça. Aujourd'hui, je ne sais pas encore de quoi tu nous parles. C'est dans le journal qui sort tantôt, fait que je ne l'ai pas encore vu. T'sais. Surtout que tu fais pas le montage du journal en question. Je fais le montage, mais c'est juste des morceaux. Je lis aucun mot. C'est bien qui sort, ça. C'est bien que je ne sais pas lire. Voyons donc, c'est bien ça. En me regardant, ça explique plein de choses. Mais cette semaine, je vous parle d'étudiants internationaux. Ah ouais. Plus particulièrement de coûts des étudiants internationaux. En fait, de coûts d'un frais de scolarité des étudiants internationaux. La violence envers les étudiants internationaux dans les coûts. Dans les coûts, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était les coûts de téléphone. En fait, il y avait, parenthèse comme ça, il y avait... Ça commence bien. Tu peux pas faire de parenthèse, t'as même pas rien commencé d'autre. Ben, en fait, c'est que ça va me permettre de pitcher d'autres choses, mais ça vient de me penser. Il y a un économiste très, très de gauche qui est, pour ceux qui lisent Le Voir, en fait, qui lisait il y a quelques mois, Yannick Marcil, qui est, comme je disais, un économiste très, très engagé, qui disait pendant le conflit étudiant en 2012, il appelait ça de la violence économique. Ah. Lui, il est en train d'essayer de partir un peu d'une théorie de ça, de violence de type économique, dans le sens que tu t'intimides un groupe en modifiant certaines conditions économiques de leur vie, puis ça leur fait violence. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, justement, je vais parler, en fait, de, quand je disais de coûts, c'est en fait les frais de scolarité des étudiants internationaux. On va parler un peu de coupure aussi, dans le sens que, malheureusement, je pense que toutes mes chroniques à date depuis le début de la session parlent de coupure. C'est vraiment coupure budgétaire, c'est vraiment c'est adulte, ça qui se passe en ce moment. C'est ça, tu sais, je veux dire, il y en a des nouvelles à tous les semaines. Une qui avait été évoquée, puis ça avait même été commencé, en fait, sous le règne péquiste, qui était de courte durée, mais qui a eu le temps quand même de foutre un peu la main sur certaines choses. Là-dessus, entre autres, c'est qu'il avait commencé à parler d'augmenter les frais de scolarité, particulièrement des étudiants français. Ce qu'il faut comprendre, on va commencer avec le chiffre massu, c'est que nous autres, étudiants québécois d'origine québécoise, tu sais, nés ici puis tout, on paye à peu près 2000 quelques piastres pour aller à l'université par année. Les étudiants internationaux, puis là, je vais faire une autre parenthèse tout de suite. Moi, j'aime bien dire étudiants internationaux parce que le terme officiel. Hein, c'est ouais, ça, c'est ouais. Ça. Ben, tu l'as lu ma chronique d'abord. Ben non, voyons donc. Non, c'est, moi, le terme étranger m'écœure un peu. Ouais. Parce que ça fait vraiment pas d'affaires ici. Mmh. Ouais, c'est comme vrai. Ça que je l'ai écrit dans ma chronique, je pense. Mais en tout cas, je me suis permis c'est un peu de jouer. Xénophobie! Il n'y a pas ce mot-là, au moins. Non, ça je me suis retenu quand même. Mais je trouve que ça a une petite connotation. Tu sais, le français, on est une langue de connotation. Ouais. Tu sais, entre les lignes. Ça sous-entend que... Puis étranger, ça a une pas pire connotation de pas d'affaires. Oui, oui. Fait que moi, je trouve qu'on devrait changer le vocabulaire un peu pour internationaux à la place. Parce que sinon, t'as qu'à ça. Tu veux dire étudiants pas d'ici. Ça sous-entend que c'est des parasites. Puis ouais. En fait, c'est important cette distinction-là. Parce que, vous voyez, comme là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec, pour une province d'un pays, a quand même beaucoup de relations internationales avec différents pays. Puis se fait des traités avec eux autres. Puis certaines choses comme ça, notamment sur les coûts de la mobilité étudiante. T'sais. Qu'est-ce que ça coûte quand des gens du pays X viennent étudier ici, puis qu'est-ce que ça coûte quand des Québécois vont étudier dans le pays X. Pour ceux qui n'ont pas d'accord comme ça entre les pays, on parle de... Excusez-moi, je vais juste retrouver mon chiffre. C'est plus de 15 000 piastres, tout dépendant du programme. Les programmes de sciences humaines, c'est quelques 1 000 $ de moins, mais c'est quand même très au-delà du 10 000 $ par année. Mmh. On s'entend pour venir étudier à l'UQTR. Puis ça, faut quand même le noter. On spécifie sur le site d'Immigration Québec, il y a une section coût des frais de scolarité des étudiants internationaux. Il y a un beau tableau qui nous explique c'est par domaine quel est le maximum que les universités ont le droit, parce que c'est quand même les universités qui fixent un peu certaines règles, quel est le maximum qu'ils ont le droit de charger aux étudiants internationaux. Puis, on a une belle note de bas de page qui nous amène à nous dire que, en fait, dans les programmes comme tous les génies en médecine, dans les sciences administratives, ces programmes-là, ben, les universités ont littéralement pas de cap. Si l'UQTR a le goût, mettons qu'un étudiant ougandais vient faire un génie mécanique à l'UQTR, l'UQTR peut bien décider de lui charger 45 000 $ par année. S'il y a un étudiant, mettons, d'un pays puis qui n'aime pas cet étudiant-là, ils peuvent dire « Ah, tous les étudiants ougandais vont avoir tel frais, puis c'est juste pour ce gars-là. » Je pense que c'est pas arbitraire à ce point-là. 45 000 $, non. Mais il y a quand même une certaine forme de... une certaine dérive jusqu'à un certain point qui est possible, effectivement. Savoir surprendre. Ouais, c'est ça. Des fois, effectivement, il y a des étudiants internationaux qui sont surpris parce que des fois, ils ont une bourse, mettons, pour leur première session. Fait que là, ça leur coûte des peanuts par rapport à ça. Ben, des peanuts, ça leur coûte quand même souvent, dans ce cas-là, même plus que les étudiants québécois. L'affaire, c'est que les programmes que j'ai nommés, tu sais, génies, programmes d'administration, la médecine, ben souvent les étudiants, mettons, comme africains ou quoi de même, ben c'est souvent ces programmes-là qui viennent, tu sais, c'est les programmes qui sont le plus représentés dedans. Tu sais. Est-ce qu'on voit une corrélation? Je n'oserais le dire. Oh. On va laisser ça en suspens. L'autre chose, c'est ça. Là, dans ma chronique, je m'intéresse particulièrement au cas des étudiants français. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme toujours, on est un peu ils nous appellent les cousins, là, les Français. Mm-hmm. On a une certaine fraternité internationale avec la France, le Québec. On est la France en Amérique, d'après eux autres. Moi, je suis pas d'accord avec cette notion-là, mais en tout cas... On est quasiment plus des Américains du Nord. Ben c'est ça, tu sais, c'est des discussions qu'on a des fois, justement, en éthique appliquée, tu sais, les Québécois, on est-tu plus des Européens en Amérique ou on est plus des Américains francophones? Genre. Mais en tout cas... C'est mélangé. C'est clair. Ouais. C'est ça. On est en quelque part entre les deux, là. C'est ça. Les étudiants français, eux autres, ils payent à peu près la même chose que les étudiants québécois. C'est sensiblement la même chose. C'est autour de 2000 $. Par contre, ce qui a été proposé par le PQ, qui a été très vite repris par les libéraux quand ils ont commencé à faire leur coupe, c'est de dire on va les remettre à la même place que la moyenne canadienne à la place. Okay. Dans le sens que, présentement, des étudiants canadiens, mettons des Ontariens, des Albertains, puis tout, qui viennent étudier au Québec, eux autres, c'est pas le même 2000 $ que nous autres. Ça, c'est les Québécois qui payent ça. Les Canadiens des autres provinces, eux autres, ils vont payer ça autour de 6000 $ par session. Puis là, ce qu'on disait, c'est que du jour au lendemain, on décide, ah, ben, les étudiants français, on va... moi, la source que j'avais, en fait, ça venait de la presse. Ils disaient que c'était depuis 1978 qu'on avait un accord avec la France pour dire les Québécois qui vont en France payent la même affaire que les Français, puis les Français qui viennent au Québec payent la même affaire que les Québécois. Pour avoir du coup similaire. Des coûts similaires, mais c'est du coup si les Français sont fatigués que ça. Du coup, ils sont gossants, on va se le dire. Du coup, ça va faire. Tu sais. Hein? Bon, du coup, ça va faire. C'est mon insta. Badaboum. Badaboum. ouais, c'est ça. Donc, on voulait. Il était question de les augmenter à la moyenne canadienne, c'est-à-dire qu'ils paieraient 6000 $, sensiblement 6000 $ au lieu de sensiblement 2000 $. C'est quand même, on triple quand même leurs frais de scolarité d'un coup. Ouais, ouais. C'est 4000 $ de plus par année. Là. C'est quand même un peu pas, de l'argent. Il faut comprendre aussi qu'un étudiant français qui arrive ici, ça, je suis pas certain de mon affaire, mais je suis pas mal sûr qu'ils sont pas éligibles aux prêts et bourses. Okay. Puis une affaire qui est certaine, c'est qu'ils n'ont pas le droit de travailler au Québec. Mm-hmm. Ouais, ça, ils vont travailler en même temps que leurs études. Les seuls emplois qu'ils ont le droit d'occuper, c'est des emplois sur le campus. À la GEQTR, mettons. À la GEQTR. On a beaucoup de français la plupart du temps. À la GEQTR, peut-être pas en ce moment, mais des fois, t'sais. Ça arrive. Oui, il y a eu des bureaux exécutifs qui étaient constitués purement d'étudiants internationaux. Ça ressemble à ça. C'est arrivé par le passé. C'est pas une mauvaise chose. Non, même, non. Je trouve ça très important, en fait, que les internationaux soient représentés sur CX de l'AGE. C'est important parce que c'est un groupe qui c'est un bon pourcentage. Ben, c'est un bon pourcentage, puis c'est qu'on a tendance à les oublier. Oui. Mais ça okay. explique quand même la raison de pourquoi que c'était comme ça. Ben, c'est, entre autres, c'est aussi les petits jobs comme l'aide informatique, ces affaires-là, ça va souvent être des encore des internationaux qui ont ça, avec les dossards là, mm-hmm. à la bibliothèque. Mm-hmm. Là, c'est ça, parce que ça, ils ont le droit de travailler pour ça, puis c'est sûr qu'eux autres vont aller chercher toutes les... Aussi, si l'informatique sont encore sur le DOS, ils passent pas encore à Windows R. C'est une joke de geek, tu sais, DOS, tu sais, oui. Avant Windows, ça avait DOS. Ça, c'est juste moi qui la comprends. Ouais, je la comprends. Non, on la comprend, mais juste là. Juste pas long. C'est pas ta meilleure. Merci. C'est pas ta meilleure, Mathieu. Je la trouve pas si pire. ouais, c'est ça. Fait que là, les étudiants français ont, dans le fond, ont fait un calcul rapide. Moi, dans un article que j'avais trouvé, on disait qu'il y avait environ 12 000 étudiants français au Québec. Ça inclut aussi certains étudiants maghrébins, puis même, en fait, de toute l'Afrique, parce que, historiquement, la France fut une puissance coloniale à une certaine époque. Ils sont allés coloniser un peu partout en Afrique. En Algérie aussi, ça fait c'est en Afrique, mais c'est dans le Maghreb. Ces pays-là, qui avaient été colonisés là, une couple de siècles, à cette heure, ils ont tous le droit à la citoyenneté française. Donc, théoriquement, c'est des Français qui arrivent ici. Donc, ça donne à peu près 12 000 étudiants au Québec. On multiplie ça par 4 000 $ de hausse, mettons. Fait qu'on ramasse 48 millions. Tu-ching. L'affaire, c'est que sur le budget d'une université, c'est des peanuts, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, si tu mets ça à la grandeur du Québec, sur les 15-16 universités qu'on a au Québec, c'est de l'argent, c'est sûr. L'affaire, c'est que les Français l'ont peut-être pas trouvé drôle, eux autres. Puis là, quand je dis les Français, je parle pas juste des étudiants français, je parle des relations internationales de la France nous ont pas trouvé très drôle de parler de ça. Parce que faut pas oublier qu'en France, les frais de scolarité, c'est pas 2 000 $, c'est 200 euros à peu près. Quand tu es citoyen français, donc quand tu es citoyen québécois aussi. Ouais. C'est déjà, on charge pas mal plus cher à leurs étudiants qu'aux nôtres, mais tu sais, ça passait parce que c'était la même affaire que les nôtres payaient. Mais là, eux autres, première affaire qu'ils ont dit, c'est OK, on va vous charger la même affaire que les internationaux, et c'est plus que 15 000 euros. T'sais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Non, mais ils s'attendaient à quoi en proposant ça? Que ça resterait pareil en France, puis que nous autres, on pourrait monter les frais sans qu'il se passe rien? Ben, ça a pas été discuté. C'est une affaire qui est un petit peu tombée d'un crack. Parce qu'il y a eu d'autres coupures de fait qui ont plus choqué le monde. Ouais. Comme je disais, tu sais, c'est pas pour rien que je prenais la peine de faire ma petite distinction entre, tu sais, de dire étranger et internationaux. Mm-hmm. Tu sais, c'est qu'on les considère pas tant que ça. Tu sais. Fait que les étudiants internationaux en général ont eu des grosses hausses de frais de scolarité un peu plus tôt dans les années 2000. Ça a passé comme dans le beurre, tu sais. Il n'y a personne qui s'est plaint de ça quasiment. Les internationaux, mm-hmm. autrement, ils mettaient pissed off au bout, mais tu sais. ça a passé, je veux dire, ça n'a même pas passé aux nouvelles, je pense. Puis ça a été des hausses assez drastiques, là, tu sais. C'était moins de 15 000 $ avant, puis de quand même une pas si pire marge. Il y a seulement sur le campus qui sort ces nouvelles-là. C'est effrayant. C'est ça que ça sert. Hein? On est solide, là. Journaliste d'enquête, mon homme. c'est ça. Puis moi, une des choses aussi que je déplore de ça, c'est qu'en plus de scraper des relations diplomatiques avec un pays qui est quand même un allié à base, tu sais, particulièrement tu sais, dans la francophonie, veux pas, on a besoin d'amis dans la francophonie parce qu'on est un peu. On est combien au Québec? On est une trentaine, non, mais classe. On est quoi, 7-8 millions, là, ben, il me semble que c'est tellement l'information que je connais le moins. Ouais, c'est en tout cas une affaire c'est comme un peu ça. Pathétique, là, mais j'en ai aucune idée. Mais on est tous ensemble, tous un seul, un groupe. Ouais, c'est ça, tu sais, on est comme tellement unis. C'est ça. Ouais. Mettons qu'on est 7-8 millions au Québec, dans à peu près, mettons, 200 millions d'anglophones en Amérique du Nord. On a besoin d'amis, tu sais. Ouais. C'est plate, ne serait-ce que pour notre industrie culturelle puis tout, pour que nos artistes aient un peu d'autres places à tourner que... Oui, Steph? 8.18 en date du 1er janvier 2014. Hein, c'est récent, bon. En plus. Ben, dans le zone campus, cette information-là, t'as même sur Google. Même chose. Wikipédia pour être clair, je pense. Pour être précis. Mais ouais, c'est ça. Ne serait-ce que c'est ça, pour donner un peu de vivacité à notre industrie culturelle. Nos humoristes qui vont tourner en France, plusieurs de nos artistes de la chanson francophone qui vont tourner en France, puis tout, ça les fait vivre un peu aussi. Fait qu'on a toutes ces raisons-là, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que faut pas oublier la question du déclin démographique. qui est un beau gros concept plate, mais qu'on n'a pas le choix de dealer avec, c'est-à-dire qu'il y a moins de jeunes que de vieux. Ouais, ben c'est oui. un problème en fait partout en Occident. Puis c'est que la mobilité étudiante comme ça, c'est que les Français, par exemple, c'est déjà, en partant, c'est une population qu'on a comme zéro effort à faire pour les intégrer quand ils migrent ici. T'sais, à part s'acheter un manteau d'hiver, ils n'ont pas une grosse adaptation à faire à la culture québécoise. Mm-hmm. À la limite, la crise de foi d'après Cabane à sucre. Mais là encore, c'est quelque chose qui se deal assez bien. Mm-hmm. À la limite, tu y vas pas. Même moi, je n'y vais pas. Bon. Fait que, fausse québécoise. Oh, traître. Come on. Traître à la nation. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. C'est une population qu'on a zéro effort à faire pour les intégrer mm-hmm. ici. C'est super attirant pour eux autres de venir au Québec parce que il y a plus d'opportunités qu'en France pour l'emploi après leurs études. T'sais. En France, t'as des gens avec des maîtrises qui emballent à l'épicerie. Au Québec, on n'est pas encore rendu là. Ça arrive. Ça dépend à quoi t'as fait ta maîtrise. En com, mettons, c'est sûr que... Excuse-moi. Ça sort pis ça. Je sais pas pourquoi tu m'en regardes en même, mais je suis pas étudiant en com. T'étudiant en quoi, toi, Mathieu? Bonne question. Tu disais quoi, déjà? J'ai pas étudié à l'écriture. Que t'as étudié, toi? Petit agriculteur. Non, je suis un petit peu le rejet. Mais le rejet. T'es un étranger. Ah, comment est-ce qu'on m'appelle un étudiant non écoutérien? Ouais, c'est ça, étranger. On s'en sert. C'est ça. Tu sers à rien. Non, c'est ça que je dis, c'est qu'en fait, ils servent à quoi? Ils servent à c'est de l'immigration. Tu sais, ils contre le déclin. Je l'ai de dit tantôt, américain. J'ai perdu le mot. Ouais, c'est ça. Déclin démographique, je pense. Déclin démographique, c'est ça. Je suis pas d'une grande aide. Non, pourtant. Ça va bien. C'est moi qui fais ça d'habitude de ne pas aider de même puis de dérailler les affaires. On a échangé nos animateurs. Oh! C'est tout de canal vie. Fou rire en onde. Ouais, c'est ça. Mais j'ai complètement déclin perdu. Déclin démographique. C'est ça, déclin démographique. Donc, on essaie de contrer le déclin démographique. Puis je dis les Français, ça veut pas dire qu'on veut pas les Africains non plus. Puis ça veut pas dire qu'on veut pas tout le monde. Venez ici, one world. On est gentil. C'est juste que ce que je disais, c'est que les Français, c'est particulièrement facile parce que culturellement, on est très proche des autres. Puis là, on essaye de les décourager de s'installer, de venir étudier ici. Décourager. On essaye, mais c'est un dommage collatéral de ce qu'on essaie de faire sur leur dos. Donc, c'est ça. On n'est pas tellement gagnant sur toute la ligne. Puis là, c'est encore des petites économies de bout de chandelle de dire mm-hmm. « Ah, on va aller se rechercher de l'argent là. » Ouais, mais c'est parce que check le montant que tu vas chercher par rapport au sacrifice que tu fais, au dommage que ça fait. Pas sûr c'est un bon deal, tu sais. Mm. Pas sûr. Ça se peut que ça en soit un puis qu'il y a des affaires que je comprenne pas non plus, mais pas sûr c'est un bon deal. Donc, ça clôturait ma chronique. Eh boy, hein. c'est un sujet énorme, je pense. On a parlé d'étudiants étrangers qu'on nomme maintenant des étudiants internationaux. Tu as parlé aussi de personnes âgées. Eux, comment est-ce qu'on les appelle pour être moins... C'est des personnes... Un déficit de jeunesse. Ah, c'est bon ça. Un handicap temporel. quelque chose avec une marchette. En anglais, tu sais, souvent, ils vont. Tu sais, les euphémismes en anglais, tu sais, pour les handicaps et tout, ça va être quelque chose challenge. Oui, exactement. Tu sais, comme les gens, les nains, ils les appellent les vertically challenge. Tu sais. Puis les hobbits morbaises, c'est horizontally challenge, les autres. Tu sais, ah ouais. C'est horizontal. Puis, je sais pas, t'as pas de diagonale, malheureusement. Diagonale, je sais pas, ça serait quoi, hein? Je sais pas, ok. C'est peut-être les personnes âgées, tu sais, courbées. Ah oui, ben oui, ils ont le dos courbé, c'est ça. Ah oui. Handicap diagonal. Ils sont défiés diagonalement. Merci, Sébastien Vigartin. Ça fut un plaisir, merci de m'avoir accueilli. Une chance que tu étais là pour nous apprendre encore une fois des choses, parce qu'on est tellement pas au courant de ces histoires-là. Journaliste d'enquête. Exactement, on te retrouve. Dis le gars qui est éditorialiste. Ouais, t'es aucunement journaliste d'enquête. C'est sûr. C'est... On l'a perdu, notre journaliste d'enquête. Non. Donc on lit. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Dans Zone Campus, sur deux semaines, il y a un numéro qui sort aujourd'hui, mardi, le 28 octobre. Oui, c'est ça. 28 octobre. 28 octobre. Rocktober. Rocktober. Ça a duré une journée ou deux. Au début du mois. Le Rocktober. Les années passées, ça durait tout le mois, mais là, je me suis tanné. Le Rocktober. Ben, moi, j'aime ça, le rock. Pour le ramener. Sébastien F. Gartin. C'est moi. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Donc, on écoute avant ça Eugène Lecheval, qui, lui, est invincible. 89 FM. C'est fou. fait. La semaine de la réduction des déchets, tantôt, avec le bac vert. Je pense que c'est la réduction mammaire. Allez, écoutez, la semaine de la réduction mammaire. S'il vous plaît, parlez-en. Les temps se transforment, deviennent formes opaques et menaçantes. Une peur collective s'installe en nous. Une peur à nous rendre fous. Ah, c'est ça les Québécois, ça se plaint déjà que l'hiver a fini pas puis est même pas encore commencé. Eugène Cheval avec la chanson Invincible. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Allô, Jeff Veilleux, ça va bien? Salut, Danny. Yes, ça va bien. Puis cette tune-là est tellement bonne, pour vrai. Je me l'ai toute coupée en bout, là, puis je suis en train de travailler pour faire un petit remix. Ah ouais, c'est bon. C'est à long terme, parce que j'ai bien d'autres choses, mais elle est toute découpée en ce moment. Là. Puis il y a des bouts vraiment qu'on n'entend jamais d'habitude. Il y a un bout très psychédélique, à un moment donné, qui dure longtemps, puis... D'habitude, quand on l'entend dans des endroits, on se rend pas là. Oui, oui, c'est surtout le refrain qui revient. Exactement. C'est une pièce quand même assez révolutionnaire. Je pense que ça date de 1968, quelque chose comme ça. C'est quand même une pièce là, au balbutiement du nationalisme québécois. Mais j'ai cru comprendre, en faisant quelques recherches, que c'est une version anglophone d'une pièce américaine qui aurait été refaite, un peu comme à l'époque, on faisait ça souvent avec les pièces. Toutes les années 60. Toutes les années 60, ou presque, à part les Sinners puis les Lutins, je pense, ils ont toutes c'était de la traduction. Ouais, là. Ouais, ouais. Mais je pense que c'en était une, mais je suis pas sûr. Mais intéressant. Ils ont repris le même air puis qu'ils ont changé. Exactement, ils ont fait complètement. Ouais. Eux, c'était pas juste une traduction, mais l'air était déjà connu. Okay. Sinon, de quoi on parle, mon ami, côté Hey, ça bouge beaucoup dans le domaine indépendantiste. Tout d'abord, la course à la chefferie. Oui. Plein de nouveaux candidats à la tonne. Après Martine Ouellette, qui a été la première à se présenter, là, il y a Drainville qui vient de se rajouter. Il y a Pierre Serré, Alexandre Cloutier, qui est pour l'instant un de mes préférés là, avec Martine, qui vient de se rajouter. Mais les candidats ont quand même jusqu'au mois de janvier pour présenter leur candidature. Donc, ouais, c'est une longue course. Hein? C'est 8 mois, je pense. C'est tout ça? C'est en mars qu'on va savoir. Okay. Fait que ça va être 2 mois de débat, de janvier à mars. OK, le officiel, genre. Ouais, tout à fait. Et donc, les lettres se multiplient aussi pour que PKP se présente. Oui. Mais ça, comme je dis, il y a jusqu'à janvier pour le faire, donc... Mais j'écoutais un truc là-dessus, puis je veux dire, il est en campagne électorale. Ah oui, il aussi. Il est déjà en campagne, lui, il est parti. C'est juste que, justement, il laisse les autres aller en ce moment. C'est assez particulier. Puis là, pour l'instant, de toute façon, il essaye de sauver son poste de député aussi, parce qu'on l'accuse là, de posséder un média qui a hérité de son père. Pourtant, c'est une œuvre magnifique un Québécois. Oui, réussisse dans les affaires. Oui, exactement. T'sais, parce qu'on se fait tout le temps dire qu'on n'est pas capable et qu'on est moins bon. Là. Et là, coup de théâtre, les communistes de Québec solidaire appuient PKP. J'ai vu ça. Et selon un autre sondage, 50% des caquistes donneraient leur appui à un PQ dirigé par PKP. Ça fait un gros morceau quand même. C'est à suivre. Mm-hmm. Sinon, je suis super crinqué. Parce que hier, je t'ai parlé de l'opération Bélier qui se tenait partout. Le porte-à-porte, ouais, c'est ça? Exactement. Donc hier, la Coalition pour l'indépendance, qui regroupe une trentaine d'organismes indépendantistes, au Québec, autant citoyens que des partis politiques, ont lancé hier une campagne permanente et nationale de porte-à-porte pour parler aux citoyens de l'indépendance du Québec. L'éducation. Tout à fait. Dans le fond, c'est ça. Revenir au bon vieux... face à face. Ben, la simplicité d'expliquer quelque chose. Oui, et de ne pas laisser le combat indépendantiste aux élites politiques. Et aux médias. Surtout pas. C'est ce qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et donc, ça a été lancé hier au National à Montréal, dans un grand spectacle qui s'appelait « Entêté d'avenir 2 ». Et c'était vraiment une réussite. Ça a été en direct. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le visionner. Non. Donc, c'était en direct sur Internet de 8h à 11h hier soir. Okay. Et il y avait Loco Locas, Alexandre Béliard. Il y a eu un hommage à Pierre Falardeau de 5 minutes de condensé de ses meilleurs discours. Plein mais de sérieux, de c'est que ça n'a pas été assez publicisé parce que j'aurais beaucoup plus écouté ça que la disque. Non, mais vraiment. Ouais, puis il paraît que ça volait pas haut. Ah, ça n'a pas volé haut, vraiment, en tout cas. Ouais. Mais sérieux, c'était pas assez publicisé. Je savais que tu m'avais parlé de l'événement, de l'opération, mais je savais pas qu'il y avait une soirée et que c'était diffusé comme ça en direct sur Internet. Mais c'était tellement excellent comme spectacle que j'imagine qu'ils vont le mettre en ligne sous peu dans sa version intégrale. Là. Bonne idée. En tout cas, j'espère. Puis sinon, j'en ai déjà fait la demande. Ouais, mais c'est une bonne chose, je pense. Oui, puis selon eux, c'était la première fois qu'on diffusait à l'échelle internationale un spectacle indépendantiste. Ben. Vraiment, là, c'était ouvert à tous les pays. Et c'était génial. Et pour l'occasion, la Mauricie participait à cet événement-là parce qu'on avait une petite cellule là, qui a fait du porte-à-porte, dont moi-même. Oui. On était 8, finalement, à faire du porte-à-porte. Félicitations et à toi. Peut-être au moins vraiment. 200 portes ont été visitées hier à Trois-Rivières pour renouer avec le contact citoyen. Et puis, comment ça s'est passé? C'est pas facile. C'est ce que j'aime ça, là, que tu sois là puis que tu puisses m'en parler. D'abord, un dimanche, donc la moitié des portes, il n'y avait fermées. Personne. Il n'y avait personne. Étonnamment, il y a la majorité des personnes refusaient de nous dire s'ils étaient indépendantistes ou non. OK. Ou juste indécis. Ils refusaient carrément d'en parler. Il y a vraiment une sorte... peur, hein? Oui, puis d'analphabétisme politique chez nos citoyens qui font en sorte qu'ils sont désabusés, qu'ils ne veulent plus en parler. Mais c'est de la peur aussi. Le monde, puis surtout sur un certain âge, là, si je vais être classé FLQ, genre, tu sais. Peut-être. Non, mais tu comprends, tu sais, parce qu'il y a plein de gens d'un certain âge qui ont vécu ça. Mon père s'est fait arrêter, moi, pour rien. Il était à la pêche, genre, il s'est fait arrêter parce qu'il était à côté des tours électriques, l'autre côté. Nicolet, là, de l'autre côté. Il était à la pêche avec mon oncle, puis ils se sont fait arrêter, là, tu sais. C'était suspect parce qu'ils pensaient qu'il ferait sauter la... Mon père a toujours été presque plutôt libéral, en plus. Ah ouais. C'est honteux à dire, mais c'est ça, pareil. Fait qu'il arrêtait comme tout le monde. Peut-être les gens, juste de se faire dire « Ah, je veux pas être classé indépendantiste », les gens, je pense qu'il y a de la peur. C'est ridicule. Mm-hmm. Il y a rien de dépeurant, là. Non, c'est la liberté d'un pays, me semble que c'est... Oui, puis là, c'est pour aller jaser, en plus. En plus, oui. Ouais. Vous n'êtes pas des polices, là, qui arrivaient, là. Fait qu'on faisait un petit sondage. Okay. Finalement, sur moi, dans ma rue, il y avait 45 personnes. Okay. Puis il y en a juste un qui était vraiment en faveur de l'indépendance. Okay. Il y en avait 5-6 qui refusaient de discuter de la chose automatiquement. Quand tu parles de politique, non merci. Okay. Ça m'intéresse pas. C'est mon mari qui s'occupe de ça. Ouais. Il y a même quelqu'un qui nous a dit qu'il a milité 30 ans pour l'indépendance et puis qu'à partir du printemps érable, il a changé de côté. OK. Donc, il est sûrement lui qui s'oppose catégoriquement à la gratuité scolaire et que là, il a pris position pour le Parti libéral qui défendait, selon lui, la hausse des frais de scolarité là, pour aucune bonne raison. Mais ça a été spécial. Mais c'est bien, par exemple, de voir, pour vous autres, que ça existe, de prendre le pouls comme ça, réel. C'est pas juste, justement, des grosses maisons de sondage puis des trucs rapportés par des médias qui sont des fois un petit peu partisans. Puis ça, c'est juste le début, dans le fond. Là. Comme je dis, c'était une campagne permanente qui se tenait aussi en Gaspésie, en Abitibi, dans le Bas-Saint-Laurent, Sept-Îles, je crois. Il y a vraiment plusieurs régions qui ont participé à cette campagne-là. Et dans le fond, c'est porteur d'avenir. Ça, c'est sûr. Là, on revient à l'essentiel, discuter du pourquoi au lieu de parler juste du comment. Du pourquoi et comment, pareil, avec t'sais, si vous avez des gens qui sont intéressés, ben, vous pouvez déblater, ben, vous pouvez... je peux faire évoluer la discussion beaucoup plus. Là, oui, puis pousser plus loin. Justement, parce que des fois, tu vas dire le pourquoi, mais si tu as des gens intéressés, intéressants, ben, ils vont peut-être avoir des comment aussi qui est intéressant, qui peuvent sortir de tout ça. Et puis, donc, après la majorité de personnes qui refusaient d'en parler, l'autre groupe majoritaire, c'est ceux qui n'y croient plus. Okay. Qui croient que le combat est perdu, que 95 était notre dernière chance, que finalement, ils sont pas mal défaitistes, là, malheureusement. Mais là, ils sont contents de voir qu'il y a une nouvelle génération qui prend le flambeau, qui ont les mêmes valeurs, puis qui comprennent que c'est pas un débat générationnel, là, que c'est ça. Mais est-ce que ces désillusionnés-là pourraient revenir? Oui. OK, OK. Ouais, y en a certains que... Au moins. Ouais. Pis, ça, c'est bien. Puis ils sont contents que l'argumentaire est actualisé. OK. Et puis sinon, on a parlé à quelques fédéralistes, donc deux, trois qui s'affirmaient fièrement contre. Quoi qu'il y en a un qu'on a réussi à le convaincre parce qu'il disait « Ah bon, rester dans le Canada, c'est une meilleure stabilité économique. » Mais du côté environnemental, c'est un fiasco total. Ouais. Qu'on rejette le protocole de Kyoto en notre nom, qu'on embarque... Ben, côté aussi image mondiale. Sur la scène mondiale, c'est épouvantable. Que le Canada est présenté comme un État voyou à différents égards, pas juste sur l'écologie. Là. Et puis, ce fédéraliste-là nous accordait, dans le fond, nous donnait raison sur le point de vue écologique que... on pourrait dire non à TransCanada en devenant un pays, qu'on pourrait mieux gérer nos investissements en hydrocarbures, dire non à notre dépendance au pétrole. Donc, c'était bien ça, d'aller voir les arguments des fédéralistes pour finalement mieux les contrer ou mieux les comprendre convaincre. Aussi. Ouais, les comprendre et les convaincre. Et donc, ça, c'est à suivre. Oui, vraiment intéressant. Oui, c'est... Puis, on voit des extraits aussi de porte-à-porte dans le spectacle d'hier soir, dans Tété d'avenir. Donc, j'espère, chers auditeurs, que vous aurez l'occasion de voir en ligne ce vidéo bientôt. Oui, tout à fait. Deuxième chose, grande sortie publique de l'avocat Guy Bertrand. Oui. Qui propose que le PLQ fasse du Québec un pays. Pourquoi pas? estimant, selon lui, que le Parti québécois est brûlé, l'avocat Guy Bertrand propose au Parti libéral du Québec de s'inspirer de son projet Liberté-Nation pour faire du Québec un pays. Mardi dernier, il a sorti un documentaire d'une durée de 45 minutes, divisé en quelques capsules, et il fait valoir comment et pourquoi le Québec devrait passer, d'ici 2030, du statut de province canadienne à celui de République fédérale. selon Bertrand, qui a notamment participé à la fondation du Parti québécois, le Parti libéral serait le mieux positionné pour mettre en œuvre son projet. Il dit « Le Parti libéral est le plus capable de rassembler les anglophones, les allophones, les autochtones que n'importe quel autre parti. C'est un parti rassembleur. » a-t-il souligné la semaine dernière dans une présentation en avant-première médiatique. Il dit aussi « C'est facile pour eux, les libéraux, de prendre le projet de demain matin. C'est sûr que toute la population embarque avec le Parti libéral et on devient, selon lui, la République fédérale du Québec. » Il dit que ça va se faire facilement, en plus. Là. Mais c'est vrai le pire. Parce que les gens, ce seraient les libéraux qui conduiraient ça, même si c'est les plus grands crosseurs de la planète, ben, ils suivraient. Ils les ont remis au pouvoir après 17 mois. Ouais, même s'il y avait augmenté même s'il y avait... notre dette. Oui, puis t'as vu depuis l'élection, là, tout le monde chiale. Hein? Dans tous les domaines, tout le monde se dit « Comment ça fait qu'ils sont là? » Ben, c'est parce qu'on les a mis là. Hier encore, sur El Tracy, entre 3 et 4 000 citoyens ont chialé pour... Exact. Pour faire fermer le port pétrolier de Sorel Tracy et la grogne monte de plus en plus. Mm-hmm. C'est génial. Ben, c'est génial, mais c'est ça qui est bizarre, par exemple. T'sais, ça, c'est le... On les élit, puis on chiale après. Exact. Mais on les élit tout le temps, on les remet là, puis on les remet là, je sais pas. Puis quand le PQ était là, il faisait la bonne job, ça chialait beaucoup moins, il n'y avait pas de crise sociale. Ah, mais là, il faut que je te le dise, il y a un ami sur mon Facebook, parce que j'avais mis une genre de pétition contre Kakuna, puis tout ça. Et puis là, il m'a mis un genre d'infographie avec PQ, mais avec le Q, c'est un truc de pétrole. Là. OK. Il dit, ben, c'est à cause du PQ, tu sais. Oui, c'est vrai que le PQ a été vraiment dans ce sens-là avec Anticosti, mais ils ont été là 17 mois, là, ouais. Dans les 12 dernières années. Ouais. Que, écoute, puis au moins, eux, là, en 17 mois, ils ont fait plus de mouvements, puis ils ont fait plus de changements que toutes les autres. Puis, une autre histoire, je suis pas nécessairement partisan, comme on dit, du PQ. On est partisans de l'indépendance en ce moment. Et d'un État québécois fort. Exact. Puis qui encourage et soutient ses régions. Exactement. C'est pas le parti, à un moment donné, on regarde, moi, sérieux, si les libéraux, demain, proposent de faire un pays, le Québec, un pays, ben, je vais voter libéral, même si je suis pas d'accord sur toutes les histoires. Ouais, mais le projet collectif. Le projet collectif, il est là, puis après, ben, on mettra quelqu'un d'autre à la tête, au pire, ou on les endurera comme on aime le faire. Parce qu'on est sado-maso. Ouais. Ben, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Dans ce sens-là, j'annonce vendredi qu'il y a une gigantesque manifestation à Montréal. Okay. Donc, le 31 octobre à 11h, c'est la manif Massacre à la libérale. Donc, c'est une manif pour contrer et dénoncer l'austérité. Moi, je l'appelle l'austère austérité. c'est comme... ben, c'est vrai, là, ça fait faire 3 vagues de coupes en éducation. Fait que, tu sais, déjà là, ça démontre leur manque de vision, leur amateurisme. Mais quand tu coupes et tu recoupes et tu recoupes, maintenant, là, c'est... Ils veulent nous saigner. De toute façon, c'est pas en coupant. Là. Tout le monde l'a montré. Tous les économistes l'ont montré. C'est pas en coupant que tu vas créer de la richesse. Là. Mm-hmm. Puis tu la dette, c'est pas en coupant que tu vas la rembourser non plus. Faut que tu crées de la richesse. Faut que tu donnes des facilités pour des jobs, oui, mais pas couper partout tout le temps. On va y revenir tantôt sur l'austérité. Pour finir avec Bertrand, en fait, l'avocat, je dis que selon le modèle exposé par l'avocat, le pouvoir serait confié donc aux 17 régions du Québec, de telle sorte que chacune d'elles aurait le statut d'État autonome. Ainsi, les peuples autochtones auraient également leur voix au sein de la nouvelle République. Et sinon, le plan B, si le Parti libéral ne veut pas le prendre et concrétiser ce projet de liberté-nation, il faudrait créer un nouveau parti politique. Mais c'est sûr que ça serait une tâche beaucoup plus difficile. Plus ardue, là. Et Guy Bertrand va publier un manifeste en novembre prochain qui va détailler son projet, qu'il considère comme son testament politique. Et sinon, vous pouvez visionner son documentaire pour l'instant à l'adresse républiquefédéraleduquebec.com. Génial, je vais aller voir ça, ce petit documentaire. 45 minutes, ça passe bien. Je l'ai trouvé un petit peu vide quand même. Mais dans le fond, tu nous as résumé le meilleur dans ce que tu viens de faire. Oui, quand même. Oui, c'est ça. Okay. L'autonomie des 17 régions, la décentralisation des pouvoirs et le côté rassembleur des libéraux. oui. Et le côté, mais j'ai dit tout qu'il l'a dit. Et le côté républicain de la démarche indépendantiste qui doit revenir au centre des préoccupations pour mettre fin à la monarchie puis à certains symboles rétrogrades. Mm-hmm. Et la troisième partie de ma chronique qui tombe sur l'austérité, je veux vous lire, discuter avec vous d'un article émis par Jean-Yves Proulx, qui est un ancien professeur à la retraite, un ami à moi à la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, et qui a intitulé son article, qui a été publié dans Le nouvelisme est refusé par Le Devoir. OK. Et qui s'intitule « À quoi bon couper? Le panier est percé. » OK. Nous vivons, paraît-il, au-dessus de nos moyens. Nos ministres Coiteux et Laitao veulent mettre de l'ordre dans les finances publiques. On nous annonce que nous devrons nous serrer la ceinture. Le calcul est simple. Nous sommes en déficit quand nos recettes sont inférieures à nos dépenses. Or, le gouvernement actuel, comme les précédents, ne nous parle que de la colonne des dépenses, comme si les recettes n'entraient pas dans l'évaluation d'un déficit. Donc, première constatation, c'est la baisse constante de la contribution des entreprises. Les statistiques sont effroyables. En 1964, 38 % des recettes fiscales du Québec provenaient des entreprises. En 2004, cette contribution baisse à 12 % puis à 7,7 % en 2007 pour atteindre 6,4 % en 2014. Il est là l'argent! De 38 % à 6,4 % Et ça, c'est sans compter les contributions ou les subventions que le gouvernement fait aux entreprises, oh, oui, évidemment. À titre d'exemple, Le Devoir nous apprenait récemment que Burger King déménagera son siège social des États-Unis vers l'Ontario et qu'ainsi, son taux d'imposition passera de 35 à 26,5 %. Et on sait aussi que le taux d'imposition des entreprises est tout aussi bas ici qu'en Ontario. Et ajoutons même que Tim Hortons, qui vient d'acheter Burger King, avait son siège social au Delaware. Donc, il va le déménager au Canada en 2009. Et les mêmes raisons, payer moins d'impôts. Le Delaware, qui est aussi donc un paradis fiscal notoire. Et ça, ça nous amène à la légalisation de l'évasion fiscale, finalement. En 2012, selon les calculs d'Alain Donneau, qui enseigne la pensée critique à l'Université de Montréal, 155 milliards reposaient dans des paradis fiscaux à l'abri de l'impôt canadien. L'évaluation conforme à ce que nous apprenait André Larreau, professeur de droit fiscal à l'Université Laval, qui disait « Entre 2003 et 2008, les investissements canadiens directs dans les paradis fiscaux sont passés à 146 milliards de dollars. » Il y a Gilles Larrain, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Il rappelait qu'en 2003, il y avait 88 milliards d'actifs canadiens dans les paradis fiscaux. Ça fait au moins 10 ans là, que le monde en parle puis que les économistes haussent le ton. Et pour définir l'évasion fiscale, Alain Donneau cite le sénateur français Éric Bocquet. Grosso modo, l'évasion fiscale consiste, pour les entreprises, à localiser les pertes dans les pays à forte fiscalité où elles sont déductibles des impôts et les bénéfices dans les paradis fiscaux, où les impôts sont faibles, voire inexistants. Donc, le Canada a signé récemment des ententes en vue d'éviter la double imposition avec plus de 90 pays, et dont les principaux paradis fiscaux bien connus. Toujours dans son livre « Paradis fiscaux », Alain Donneau parle de la filière canadienne et conclut « Il est devenu clair au printemps 2013 que la politique fédérale canadienne prétend lutter contre la fraude fiscale en la légalisant. » En l'encourageant. Et c'est ce qui amène Jean-Yves Proulx à nous parler de spoliation du patrimoine. Il dit qu'en 2010, Le Devoir nous rapporte que l'Institut Fraser avait déclaré le Québec paradis ultime de cette industrie sur la planète et qu'en 2009, le vérificateur général du Québec nous signalait que pour la période de 2002 à 2008, 14 entreprises n'ont versé aucun droit minier alors qu'elles cumulaient des valeurs brutes de production annuelle de 4,2 milliards. Et ces fameuses minières. Mm-hmm. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le documentaire True Story, oui, de Richard Desjardins, je vous invite fortement à le faire. C'est une bonne actualisation du dossier mini. En conséquence, dans le budget Marceau de 2014, Hydro-Québec, l'Auto-Québec et la SAQ versaient 5,1 milliards dans les coffres de l'État, alors que l'ensemble des entreprises privées du Québec, pétrolières et banques incluses, ne versaient que 4,7 milliards. Donc, moins que les sociétés d'État. Mm-hmm. Et comme le Québec est le champion canadien de l'aide aux entreprises avec une contribution moyenne de 3,6 milliards par année, la véritable participation des entreprises au trésor public dépasse à peine 1 milliard. C'est-à-dire ce qu'on veut couper en éducation, mm-hmm, avec notre sinistre bolduc. Mais alors, à la lumière de ces données, ne sommes-nous pas en droit de nous demander si l'objectif ultime de nos gouvernements n'est pas de démanteler l'État au profit de l'entreprise privée plutôt que d'assainir nos finances publiques? Ben, c'est en plein ça. Une question qu'il faudrait poser à notre ben, c'est une question qui y répond, je trouve, là, personnellement. Là. Puis on l'a vu, notre beau premier ministre, là, aller se pavaner en Ontario là, avec la première ministre de l'Ontario. Puis là, ils veulent faire des beaux partenariats ensemble puis être, ouais, de plus en plus forts ensemble. Oui, puis ils sont super... Pipeline, là, son oléoduc, oh, est devenu, oui, son symbole de l'unité canadienne, mm-hmm, version Confédération 2017. Puis pour terminer là-dessus, je sais pas si tu as entendu parler de Thomas Piketty, qui est un économiste français, directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de l'étude des inégalités économiques, et en particulier dans une perspective historique et comparative. Et lui, qui est né en 71, il a donc 43 ans, il a gagné en 2002 le prix du meilleur jeune économiste. En 2001, il avait sorti le livre « Les hauts revenus en France au 20e siècle ». Et récemment, en 2013, et c'est pour ça qu'il fait consensus et même c'est la vedette de l'Amérique, il a sorti « Le capital au 21e siècle ». Donc, il a comme réactualisé « Le capital » de Marx, qui avait sorti en 1867, qui est d'ailleurs l'année de la Confédération. Et selon lui, l'austérité est la pire des trois mesures pour contrer... Les déficits budgétaires des gouvernements. Ben, puis c'est la pire façon de créer l'emploi aussi. Ça va de soi. Mais à la place, on va aller couper un 4$ par jour chez des déficients intellectuels. Oui, parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas sortir dans la rue. Non, c'est que... ça. Donc, je vous invite ce vendredi. Je vous réinvite à la manifestation Massacre à la libérale à 11h à Montréal. Vérifiez sur les réseaux sociaux pour l'endroit exact de la manifestation. Mais le ton monte... Et le pire est à venir, Danny. Mm-hmm. Je m'excuse, mais le pire, là, et ça, même les recteurs universitaires l'ont dit, le pire va être en mars prochain, lors du budget 2015-2016. Le pire à venir. Et donc, sortez vos pancartes, sortez vos casseroles, vos sifflets. Tout le kit. Ouais. Merci beaucoup, Jeff. Je te dis, j'aimerais ça te dire merci parce que tu nous amènes des bonnes nouvelles. Mais bon, tu nous en apprends plein et puis eh bien, on va se réveiller peut-être un jour. Tout à fait. Et pour aller vers quelque chose de positif, je vous ai amené une pièce de Richard Véraud, qui est un chanteur d'opéra et qui a fait un hymne au Québec très, très peu connu et qui fait référence à la Nouvelle-France, à nos valeurs francophones. Et donc, c'est un bel héritage en chanson. Merci, Jeff. Bonne semaine. Courage et ta paillasse, tu sais forger ta survivance. Fière nation fidèle à ton passé, béni soit ta postérité. De nos aïeux acclarons la vaillance. Ta survivance, fière nation. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Nous, pour être alternatifs et apprendre des choses que normalement on n'apprendrait pas dans d'autres stations, on est là pour des informations pertinentes. Voici sa plus simple expression. Sa plus simple expression. Moi, là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on dit ça, ces choses-là. Quoi? Hein, donc, il y a des formes prédéfinies dans la langue quand on parle. On dit des choses, on ne sait pas d'où ça vient, mais on va essayer de regarder un peu l'historique de tout ça. Est-ce que tu as une thématique cette semaine? Bien entendu, j'ai une thématique, mais on dirait que j'ai de la misère à y trouver un nom. Je l'ai appelé l'édition spéciale. OK. OK. Puis, j'en dis pas plus. Puis, tu vas peut-être comprendre au courant de la chronique, tout simplement. Et on commence déjà avec la première expression. Et ce serait « prendre son pied ». C'est une question de fétiche sexuel. Bien sûr, prendre son pied et le mettre dans sa bouche. Clairement, pour se couper les ongles, il y en a qui n'ont pas de budget pour un coupon. Donc, je mettrais mon argent là-dessus. Je mettrais mon pied à terre en disant « c'est sûr que c'est ça ». C'est quand même drôle que tu dises ça parce qu'ils prennent la peine de préciser que ça n'a aucun lien avec les bébés qui vont mettre leurs pieds dans leur bouche et aimer ça. Aucun rapport avec le groupe de musique non plus, les bébés. Pourquoi t'as salé ton café? Non, pas du tout. Donc, prendre son pied, c'est avoir du plaisir ou un orgasme au cours de l'acte sexuel. Arrête donc, pour vrai? Mais oui! Mais j'avais raison, genre. Mais tu connais pas cette expression-là? Non, du tout. Prendre son pied? Du tout. Voyons donc. Donc, sinon, plus généralement, ça a été utilisé aussi en voulant dire tout simplement prendre un grand plaisir en pratiquant une activité, une passion, en découvrant les joies d'une nouvelle activité. Donc, le pied vient de l'argot du 19e siècle. Donc, il désignait d'une part une ration, un compte que les voleurs réservaient sur leur butin pour leurs complices. Donc, en 1878, « j'en ai mon pied » voulait dire « j'en ai mon compte, j'ai ma ration ». Donc, c'est ce sens de ration exagéré qui a permis ensuite de dire d'une femme qui prend sa ration qu'elle en a eu pour son compte lorsqu'elle a fait l'amour. Ah. Donc, car cette expression a longtemps été réservée à la gente féminine, avant plus récemment de s'étendre au genre humain tout entier. Mais ben, tu donnes un pouce, ça prend un pied, hein, comment dire? Ensuite, taille une pipe. Taille une pipe, c'est lorsque tu trouves que ça rentre pas dans ta bouche. L'engin masculin, tu sais. Fait que tu dois un petit peu le gosser avec un canif. tu tailles la pipe. Mais non, c'est tout simplement pratiquer une fellation. Tu comprends maintenant, je m'en vais avec mon édition spéciale. Donc, il faut que je te trouve des affaires qui sont pas exactement l'expression, mais qui sont aussi sexuelles. Parce qu'à date, j'ai fait pas mal tout le temps sexuel. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un peu dans ce genre-là. Génial. Donc, taille une pipe. Cette expression est une déformation récente de faire une pipe, tout simplement, par combinaison avec tailler une plume, qui a la même signification. Ah. Donc, les premiers usages vérifiés de faire une pipe ne datent que de la première moitié du 20e siècle. Et chez les prostituées, l'expression « faire un pompier » était plus usuelle auparavant. Alors, pourquoi une nouvelle expression, hein, si on avait déjà « faire un pompier » Bien, au début du 20e siècle, les fumeurs du peuple se roulaient leurs cigarettes. Ouais. Donc, les cigarettes manufacturées sont seulement apparues à la fin du siècle précédent, étant réservées aux personnes de la haute société et aux femmes. Donc, il dit alors qu'ils s'enroulaient une ou se faisaient une pipe. Donc, si la cigarette s'appelait aussi la pipe en argot, ce serait parce que la quantité de tabac nécessaire à fabriquer la cigarette est à peu près équivalente à celle utilisée pour une pipe. Donc, on appelait ça aussi une pipe, la cigarette. Donc, de là, il est facile d'imaginer que les dames de petite vertu, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui faisaient des pompiers à leurs clients, comparaient leurs gestes à ceux que font les fumeurs, d'abord méticuleusement avec leurs doigts, et puis le long de la cigarette avec leur langue, avant d'aboutir à une pipe prête à être fumée. Ah. Donc, l'image est la même. Mais faire un pompier, c'est pour ça que j'appelle mon entregent une hose, puis que le bout, c'est un chapeau, là, c'est ça? Non! Donc, le jet qui sort de là, ça sent pas là. Okay. Donc, ben, vu qu'il est question de pipe et de fumée, on peut s'empêcher de lire cette expression avec « avaler la fumée », qui est aussi une véritable expression, qui lui est antérieure, donc c'est milieu du 19e siècle, et qui désignait une fellation complète, donc avec l'avalement du sperme. Ben oui. Donc la fumée. Ça détermine le prêtre aussi, le pape. Le pape. C'est le jet du pape qu'on appelle. Donc les esprits très curieux vont aussi se demander mais pourquoi on disait taille une plume, ouais, qui est maintenant une expression oubliée. Ça viendrait du fait qu'autrefois, c'était une tâche plutôt réservée aux femmes. Avant de tailler au canif les plumes d'oie qui servaient à écrire, il fallait en humecter l'extrémité avec la langue. Ah! Tout simplement. Ben oui! Et le pompier, lui, hein? Ouais. Ben, la même source rappelle qu'autrefois, les pompiers alimentaient leur lance incendie en activant à la main les pompes de leur citerne. Donc, ces mouvements de va-et-vient du piston dans le corps de la pompe rappellent le fait qu'au cours d'une fellation, l'homme se fait pomper par un autre type de va-et-vient et le tout mélangé à la similitude entre pomper et pompier aurait fait le reste. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Donc, c'est ça. Que plein d'expressions pour dire la même chose. Glisser sur le poteau et autre truc. Ouais. Ensuite, prochaine expression, tirer son coup ou tirer un coup. Ben, tirer un coup, ça me rappelle un peu le sport de la crosse au champ, le nouveau sport à l'UQTR. J'ai regretté dans une chronique Zone Campus récemment, Steph, d'avoir utilisé des termes sexuels dans cette chronique, je m'en excuse. Je vais donc les refaire dans cette chronique-ci où c'est plus approprié, où j'avais l'impression que dans le sport de la crosse, je voulais appeler le petit filet le gland. Ah, mais moi, je pense que c'est plus un petit panier, ouais, qu'un ça, filet, parce que c'est pas mou. C'est pas mou. Donc, comme, un peu comme un... C'est glas, ça. Donc, tirer un coup, c'est avoir un orgasme, mais pour un homme. OK. Donc, la métaphore est simple à comprendre. Le fusil est un symbole phallique explicite. Tu trouves? Et à l'époque où cette expression est née, cette arme ne pouvait tirer qu'un seul coup avant de devoir être chargée manuellement. Donc, au 17e siècle, à ses débuts, cette expression n'avait aucune connotation sexuelle, puisqu'elle voulait simplement dire « tirer avec une arme à feu ». Et bien entendu, des esprits tordus et ou obsédés ont transformé le sens avec un succès certain. Mes bons amis, je trouve, ceux qui ont un esprit tordu comme ça. Ensuite, couler un bronze. Couler un bronze. Okay. D'habitude, je coule de l'or pur. Donc, j'imagine que c'est... Ouais, je sais pas trop quoi. Attends un peu. Couler un bronze. Je peux continuer si tu veux. Non, j'essaie. J'essaie vraiment. Des fois, c'est bon de créer un malaise jusqu'à temps que je trouve quelque chose. Mais je vais en faire un malaise en expliquant la citation, okay. L'expression de toute façon. Mais je pense que ça a rapport avec le gala de la disque. Donc on, c'est quand ils font les trophées. On se coule un bronze, mais c'est ça. C'est comme évacuer une brique. Sauf qu'après, c'est cool un bronze. Ouais. Donc, il y a un avertissement. Donc, attention aux oreilles chasses. On aurait pas dû faire l'avertissement il y a comme 10 minutes au moins, genre? Non, mais eux autres, ils ont mis un avertissement. Pour celui-là. Attention. Couler un bronze, c'est déféquer. Oh! Donc, faire caca. J'avais raison encore. Faire caca. Encore raison. Donc, cette expression qui date de 1957, c'est très précis, est une image extrapolée de la métaphore « couler en bronze » ou « couler dans le bronze », qui voulait dire « rendu durable » ou « immortel ». Comme l'est un personnage célèbre grâce à la statue en bronze qui le représente. Mais cet emprunt n'est pas expliqué car la durée de vie de la chose ainsi produite est plutôt courte et elle ne provoque généralement pas autant d'intérêt que la statue d'un héros national. Donc peut-être vient-il de l'argile modelée qui sert à certains sculpteurs à mettre en fond ce qui va leur permettre de créer un véritable petit bronze, donc le tas d'argile de départ, pouvant avoir l'apparence d'une bouse. On pourrait aussi imaginer que cela vient simplement de la coulée du bronze liquide comparée à la coulée lors de l'expulsion. Mais dans ce cas, pourquoi le bronze plutôt que l'acier ou la fonte ou même le chocolat chaud, hein, qui pourrait peut-être être plus en lien quant à la couleur? Mais non, s'il faut trouver un lien avec l'expression d'origine, c'est probablement entre la durabilité des objets en bronze qu'elle exprime et l'effet de produire une chose dont certains aimeraient peut-être plus ou moins consciemment qu'elle dure et passe à postérité. Donc, un peu étrange. Enfin, on ne peut passer sous silence le fait qu'en argot, depuis 1928, l'œil de bronze, mais ça désigne le trou de pète. Donc, il est donc facile d'imaginer que ce qui coule de cet orifice ne peut être que du bronze. Il devrait y avoir un band, genre, ce serait sûrement mon band de punk, genre l'œil de bronze. probablement. Dans l'œil du bronze. Ouais. Dans l'œil du bronze. Pas l'émission à Radio-Canada cet automne. Ensuite, prochaine expression, se faire ramonner. Ouais, ben ça, évidemment, d'y aller dans le facile, ça va être exactement encore la réponse. Fait qu'il faut que j'essaie d'aller plus loin que ça. Là. Mais c'est lorsque tu engages quelqu'un pour faire ton aménagement paysager qui s'adonne à s'appeler Ramon. Hein? Donc, il va. C'est une aventure. C'est une aventure avec lui et donc tu te fais Ramone. Voilà. Bien, c'est tout simplement faire l'amour, pénétrer sexuellement. En fait, se faire ramoner, c'est se faire l'amour. Le gars peut s'appeler n'importe comment. Oui, c'est ça. Ça peut vraiment de lien. C'est une expression qui a... Oui, non. Oui, donc, tout le monde sait que ce que signifie ramoner dans le cas d'une cheminée, hein, bien entendu. Oui. Donc, le même monde sait aussi que le ramonage se fait par des mouvements de va-et-vient dans un conduit sombre. De là, il est facile d'imaginer que ramoner la cheminée d'une femme ou bien lui ramoner le conduit ou simplement la ramoner a pu très trivialement signifier lui faire l'amour. Ah. Donc, c'était très évident que ça finirait comme ça. Ben, c'est sûr, quand tu vas au bar, ouais, tu vas te ramener une jeune fille. Oui, à la ramener une jeune fille à la maison. C'est ça. Ensuite, se chatouiller le poireau. c'est pas un personnage en passe partout, ça, je pense, poireau. Non? Ouais. Mon nom, poireau. Fait que je pense non, que ça rapporte. Ça va trop loin, je vais continuer. Ouais. Mais c'est se masturber, mais pour un homme, bien entendu, parce que les femmes n'ont pas de poireau. Bam! Donc, voilà bien longtemps que presque tout ce qui a l'apparence d'un objet long, droit et épais peut, dans le langage familier, servir à désigner le pénis. Hein? C'est assez évident. Donc, il existe des tas de manières d'évoquer la masturbation masculine. La crosse au champ. Oui. On a aussi peigné la girafe. OK. Hein? Par exemple, le cou de l'animal étant ici le symbole phallique, je crois que c'était évident. Mm-hmm. Donc, bien que le sexe masculin ne soit pas directement désigné, c'est chez Rabelais, dans Pantagruel, qu'on trouve en premier l'association du poireau et de la virilité. Donc, en effet, en parlant d'un vieil homme encore vigoureux, il en dit qu'il est comme le poireau, la tête blanche et la queue verte, le vert ayant ici un sens familier grivois. Donc, mais ce n'est qu'au 18e siècle que le légume désigne clairement le pénis. On retrouvera d'ailleurs ce poireau-là dans d'autres expressions comme « se dégourdir le poireau », en parlant d'un homme qui réutilise son instrument après une longue période d'abstinence volontaire ou forcée, okay. Ou bien « souffler dans le poireau » pour celles qui pratiquent une fellation. Wow. Ensuite, tremper son biscuit. OK, je suis encore sur le poireau. Moi, je me disais que si t'es pour t'es faire quelque chose avec le poireau, faut pas que tu te trompes et tu te dises ta poire, parce que c'est pas la même forme, c'est pas aussi plaisant, ça. Non. C'est une question de l'argent, ouais. En spécial. C'est quoi ta prochaine? Tremper son biscuit. Biscuit, c'est... Tel le Oreo dans le lait. Tel l'Oreo dans le lait, mais le biscuit, c'est évidemment cuit deux fois. Donc, se tremper le biscuit dans cuit. Hein? T'as vu? Oui, oui. Donc, c'est de te tremper deux fois dans le cul. Je pense que c'est ça. Eh bien, il précise un peu ça. C'est coïter ou introduire son membre viril dans un orifice adapté. Donc, adapté. Ça dit sans précision sur l'hétérosexualité ou l'homosexualité, celui qu'il pratique. Okay. Donc, c'est pas juste dans les fesses. Donc, cette expression est apparue au milieu du 20e siècle, donc c'est quand même assez récent. Et c'est une évolution de l'ancienne expression « tremper son pain au pot », employée entre autres par Rabelais, donc qui était... Je m'en rappelais. Oui, c'est ça. Donc, c'est une image très parlante pour qui est un peu au fait de la manière de faire les bébés. Donc, il est possible que le biscuit, petite douceur qu'on s'accorde bien volontiers, vienne du vieux terme « bistouquette ». Qu'on trouve encore actuellement sous la forme bistouquette, qui désignait le pénis, instrument dont la forme est proche d'un boudoir, biscuit qui a pu faciliter la naissance de l'image. Ah, intéressant. Et finalement, avoir le feu au cul ou au derrière. Ouais, ça c'est... Non, je vais y aller moins hardcore, je pense, que ça, parce que sinon... C'est ce que provoque quand tu vas en voyage à Montréal et que tu manges chez Taco Bell, c'est clairement ce que ça fait. C'est d'avoir le feu. En fait, il y a deux significations complètement différentes. La première, c'est très pressé, filer très vite. Et la deuxième, avoir des besoins sexuels intenses. Ah. Donc, la première signification est attestée dès la fin du 17e siècle. L'image est claire quand on comprend bien que quelqu'un dont le derrière est en flamme se met à courir très vite, hein, par réflexe, dans l'espoir un peu idiot de mettre la distance entre le feu et lui, même si ce n'est forcément pas la meilleure réaction possible. Et la seconde signification, celle où c'est avoir des besoins sexuels intenses, Elle est basée sur l'idée d'être très en chaleur, mais avec une localisation de cette chaleur un peu imprécise. Voilà, donc c'est comme être en chaleur, avoir le feu. Ben oui, ben oui. Voilà. Ah, c'est parfait ça. Merci Steph. Ça fait plaisir. Édition sexuelle, déjà que je ramène tout au sexe dans toutes tes chroniques de sa plus simple expression jusqu'à maintenant. Là, je t'ai compliqué la vie parce que c'était déjà sexuel. Sauf couler un bronze. Oui. Mais je suis certaine qu'il y a des gens qui mettent ça, qui mettraient ça dans la partie sexuelle. Probablement. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une question de perception. Voilà. On écoute OK Go. Voici Bright as Your Eyes. Sur ces... OK Go et Bright as Your Eyes à l'Assemblage Requis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Eh bien, on apprend chez Weight Watcher qu'on s'est associé avec la banquise. Vous connaissez, si vous êtes déjà allé à Montréal, vous connaissez la banquise, c'est presque sûr. Eh bien, Weight Watcher et la banquise se sont associés pour créer une poutine santé. Vous pensiez que la poutine était forcément des tonnes de calories, de graisse, de sel et de regrets. Eh bien, Weight Watcher a décidé de vous prouver le contraire. Cette société américaine s'est en effet tournée vers le restaurant La Banquise pour démontrer qu'il est possible de manger sainement sans avoir à renoncer à nos mets préférés. Le résultat, la seule et unique poutine santé. Lorsque Weight Watcher nous a approchés pour développer cette recette de poutine santé, de notre poutine classique, le défi nous a tout de suite plu. La poutine, c'est le plat réconfortant par excellence. Pour nous, il était important de ne pas dénaturer complètement la recette. Nous voulions créer une recette simple, savoureuse et satisfaisante qui respecte le programme Weight Watcher et qui est facile à recréer à la maison. C'est ce que déclare Annie Barsalou, qui est la propriétaire du restaurant La Banquise. Donc, pour une poutine santé, je vous le dis, si la fameuse poutine n'est... si la fameuse poutine n'est pas disponible à la banquise, il est en revanche possible de la réaliser soi-même. Voici la recette. Donc, pour une poutine santé, les ingrédients, ça vous prend... Et là, juste vous le dire, tous les ingrédients sont en lien via la page Facebook du Dîner de con, parce que quand même une recette, là, je vous la donne. Donc, les ingrédients, ça vous prend 150 g de navets, 150 g de pommes de terre, deux pulvérisations de vaporisateur d'huile d'olive de PAM, le style PAM, OK? De la pulvérisation de vaporisateur d'huile d'olive. Moi, je suis complètement contre ça. Vraiment, c'est dégueulasse. Mais bon, 80 g de fromage Allegro à 4 % de gras, donc c'est pas beaucoup, râpé. Pour la sauce à poutine, ben moi, personnellement, déjà, ils viennent de me perdre parce qu'une poutine avec du fromage râpé, c'est pas une poutine. Mais bon. Sauce à poutine qui donne environ 250 ml de sauce. C'est 250 ml de bouillon de poulet, une cuillère à thé de bouillon de bœuf liquide Beauvril, une cuillère à thé d'assaisonnement barbecue du commerce et une cuillère à thé de fécule de maïs diluée dans 30 ml d'eau. Ben, à date, moi, je trouve que c'est pas si santé que ça, là, parce qu'on est avec des petits produits pas mal salés du commerce. Mais bon, on y va. C'est Weight Watcher aussi, c'est cheap. Hein? On préchauffe le four à 350, on pèle et on coupe les navets et les pommes de terre en julienne. Donc, on fait des petites juliennes, on coupe des frites finalement. Placez les navets et les pommes de terre sur une plaque à cuisson et vaporisez d'huile d'olive PAM. Moi, je vous dirais, gars, prenez de l'huile d'olive, là, puis mettez-en un peu. Cuire les frites au four environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Retournez les frites à l'aide d'une spatule et poursuivre la cuisson encore environ 20 minutes. Ajoutez tous les ingrédients pour la sauce dans une casserole. Laissez mijoter en fouettant jusqu'à ce que le mélange épaississe. Répartir les frites dans un bol, garnir de fromage et napper de 160 ml de sauce, donc environ la moitié de la sauce que vous avez trouvée. Le résultat est très, très joli. Ça semble pas désagréable. Ne doit pas être désagréable en bouche non plus. Par contre, comme j'ai dit tantôt, moi, je n'aurais... c'est juste le problème dans cette recette, c'est le fromage Allegro râpé à 4 %. J'y fais pas confiance. Mais gars, c'est quand même une recette moins engraissante, semble-t-il. On va rester dans les innovations alimentaires. Hein? On était là. On va aller voir ici vers des innovations alimentaires qui vont peut-être trop loin. Hein? Parfait. On en voit ça. Ça peut venir de partout sur la planète. J'aime mieux vous avertir. Premièrement, les raviolis, hein, les fameuses cannes de raviolis Chef Boyardee. Eh bien, la compagnie Pazani, que je ne connais pas, mais qui semble être une compagnie européenne, a fait des raviolis sauce chocolat. Vous rêviez de manger des raviolis à la banane transgénique baignant dans une sauce au chocolat douteuse? Eh bien, Pazani l'a fait il y a peu. La marque de pâte a en effet eu la brillante idée de lancer une gamme sucrée. Dégueulasse. Au choix, deux goûts aussi chimiques l'un que l'autre, hein, on vous le rassure. On vous assure. Banane sauce chocolat ou fraise sauce vanille avec un plat pour vomir, c'est merveilleux. Le tout présenté dans une boîte de conserve qui ressemble à s'y méprendre au ravioli Chef Boyardee, là, genre ou bolognaise ou peu importe. Vraiment dégueulasse. Deuxième petite innovation alimentaire qui sont allées peut-être un peu trop loin. Moi, je trouve ça là, c'est quand même drôle. Je trouve ça vraiment moins dégueulasse. C'est la lolifile. Lolifile ou la lolifilie, hein. Ce sont des sucettes, des genres de suçons, là, des petites sucettes, des petites friandises. Au lait maternel, eh bien oui, Lofil est une marque américaine spécialisée dans les sucettes pour adultes. Après avoir cartonné avec leurs sucettes à l'absinthe, à la tequila ou même au mojito, ils se sont dit qu'une sucette au lait maternel compléterait bien leur gamme. Selon eux, il s'agit de la saveur la plus satisfaisante de tous les temps. Selon nous, c'est un gros truc de pervers. Ça, c'est selon Topito, j'aime mieux vous le dire. Autre truc et innovation assez surprenante du côté de l'alimentaire, eh bien... La glace carotte orange. Ben moi, ça, je trouve ça déjà moins dégueu, juste au goût. Tu sais, les gâteaux carottes, c'est très bon. La carotte, c'est très sucré. Donc, carotte orange, pourquoi pas? On y va. Pour le nombre de soirées torrides que l'on a passées en tête-à-tête avec notre peau familiale de macadamia nut brittle, on parle du Häagen-Dazs, là, on aura envie de tout pardonner à Häagen-Dazs. Mais quand l'un des kings de la malbouffe succombe au mode du veggies en commercialisant des glaces light carotte orange ou tomate cerise... On lui en veut quand même un petit peu. J'avoue que la tomate cerise, assez particulier, hein? Wow! OK, ça aussi, assez dégueulasse. Ça vient de chez Kellogg. Vous connaissez les fameuses gaufres Ego? Eh bien, la pizza sucrée, disponible uniquement aux États-Unis, ces pizzas sucrées Kellogg sont censées être consommées au petit déjeuner. Légèrement lourdingue, elle se compose d'une base de cream cheese, donc du fromage en crème, d'un topping où l'on retrouve en vrac des fruits surgelés, de l'avoine, des amandes, du miel. Le tout, bien sûr, sur une grosse pâte à pizza bien épaisse, comme on les aime. Un délice hautement diététique qui se réchauffe en une minute au micro-ondes ou en quelques secondes dans le toaster. Du plaisir à vomir, je vous dirais. Wow, OK. Le haché de jambon à la vache qui rit. Ben moi, ça, je trouve pas ça si pire. Jambon-fromage, ça a jamais été un mauvais mix. On va aller voir, c'est la compagnie Fleury Michon, qui me semble très, très française. On ne va pas mentir, le terme haché de jambon n'inspire déjà pas trop la confiance. À la base, on visualise, et on sait pas trop pourquoi, une vieille tranche de jambon pré-mâchée, puis délicatement recrachée par votre grand-père sur la moquette du salon. Mais le fait de rajouter de la vache qui rit dans le dit jambon haché devrait carrément être puni par la loi. Ben moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est sérieux quand c'est... ça fit. Moi, je trouve des aliments, oui, c'est une façon différente, mais quand on a toujours mangé des jambons fromage, des sandwichs de jambon fromage, surtout en France, je vois pas pour comment on peut être contre un jambon fromage avec de la vache qui rit. Moi, en tout cas, j'y goûterais, ça, c'est sûr. Or que le prochain, du saumon fumé au goût de bonbons fraises. Hein? Saumon fumé, ça peut aller. Au goût de bonbons fraises, ouf! Nouvelle venue donc au rayon traiteur de la mer, la marque Iode propose toute une gamme de saumons fumés aromatisés, parmi lesquels un des très étranges saumons fumés aux bonbons fraises qui laisse tout de même présager que le saumon ne devrait pas être de grande qualité pour que des personnes aient eu l'idée d'en recouvrir le goût avec de la fraise. J'avoue, hein, tu sais, d'habitude, les gens aiment le saumon parce qu'ils aiment le saumon. Ils veulent pas une espèce de saveur cheap de fraise. Mais en tout cas, on a bien sûr les célèbres Chip Lays, hein, qui nous sortent des sortes à chaque année assez extraordinaires. Les dernières, c'était quoi? Brioche à la cannelle. Ça doit être assez dégueulasse. Et là, on a des Lays qui ont été commercialisés en Espagne. Des chips dont le concept semble se bourrer de la gueule de tout le monde, hein, et pas à moindre coût. Qui pourtant séduit les consommateurs qui, la plupart, ont parlé d'un arrière-goût de crème et de citron périmé. Bon, effectivement, ça ne vend pas du rêve. Là, les recettes qu'on nous a offertes, ben, cheeseburger, moi, je pense que ça, c'est correct. Là, c'est dans le fond, c'est une chip qui va goûter un peu fromagée, qui va goûter les épices burger. T'sais, on fait bien aux ailes de poulet, aux ailes buffalo, à la poutine. Cheeseburger, c'est parfait. C'est correct, ça marche. Peut-être que ça marchera pas, mais bon, ça marche. Dans ma tête, ça marche. Mais un Chip Lays au mojito, lime et citron sucré, non, sérieux, non, juste non. Sinon, ici, le vin au chocolat. Par contre, ben, regarde ça, moi, je suis pas contre. Marque américaine Precept Wine, qui a lancé en 2012 le concept de vin au chocolat. C'est très simple, vous prenez du vin, vous faites infuser des framboises et du chocolat noir dedans, et hop, vous avez du vin au chocolat. La mauvaise nouvelle pour les amateurs de vrai vin, c'est qu'on ne sait rien sur l'origine du vin dans lequel on fait infuser ce délicieux mélange. Il y aurait là-dessus un petit partenariat avec des sortes de vins assez cheap, genre notre vin maison et autres cochonneries. J'avoue, mais moi, je pense que si on y va avec le vin et le chocolat, personnellement, j'aime manger du chocolat et boire du vin. Fait que je trouve que ça marche. Mais là encore, là, c'est une question de qualité. Hein? Y a la raclette au wasabi. Hein? OK. Avant de mettre sur le marché cette riche idée de fromage à raclette au wasabi, eh bien, les patrons de Richemont auraient peut-être dû songer au fait que personne sur Terre aurait envie de bouffer du fromage vert fluo qui, fondu, ressemble à s'y méprendre à un bain de chewing-gum dans lequel on aurait le goût de plonger. Non, personne ne va avoir le goût de prendre un fromage à raclette au wasabi vert fluo. Vraiment pas. Et sinon, ici, bizarre, le yogourt pour hommes Danone. C'est la filiale bulgare de Danone qui a lancé à l'été 2013 une gamme de yaourts réservés aux hommes. Dans cette gamme baptisée, au cas où on n'aurait pas compris, Danone for Men, ça fait ridicule. On trouve des yaourts plus épais que la normale, donc pareil comme des hommes, hein, plus épais et faibles en matière grasse, le tout dans un packaging censé plaire aux hommes, donc noir, sobre et pratique. Insultant, macho, carrément débile, si peu, si peu. Hein? Alors, c'était les 10 pires innovations alimentaires qu'on vient de vous envoyer ici. Et tiens, restons dans le top. Dans des tops, j'en ai plein. On va aller ici faire le top 10 des villes du monde où on mange le mieux, OK? Mais c'est pas vrai, c'est selon les Américains. Donc, c'est l'image que les Américains ont de certaines villes. Donc, première position, selon les Américains, la meilleure ville où manger, c'est Bordeaux. Oui, avouez que vous ne la voyez pas venir, celle-là, d'après le journal qui a établi le classement. La ville d'Alain Juppé a tout pour plaire aux foodies, à savoir une proximité avec l'océan qui la fournit en huîtres, en poissons et autres crustacés. Une tradition française bien ancrée et bien évidemment le vin. Une première place pas si surprenante que ça. Donc, quand on y réfléchit, et ça va faire plaisir à certains. Autre ville où il est le mieux, on est le mieux pour manger encore par les Américains, eh bien, on parle de Boulogne. On reste alors, oui, encore en France. Encore une fois, ce classement nous surprend. Non, ce n'est pas à Rome qui est la première ville de ce classement, mais Bologne. Ce qui semble avoir séduit nos amis Yankees, c'est qu'à Bologne, il y a la version originale de tout ce qu'ils mangent. Qui dit original dit plus authentique. Et ça, ça leur a plu, sûrement car ils ont tendance à américaniser tout ce qu'ils bouffent. C'est vrai que si vous êtes fan de bouffe italienne traditionnelle, tout vous plaira à Bologne, de la classique sauce bolognaise au délicieux tortellini en passant par le mercato di mezzo. Ah, mais OK. Sinon, on s'en va à notre troisième endroit ici, c'est Bombay. Peut-on vraiment se dire fin gourmet si on n'a jamais goûté à un panipuri an Vandapav? Influencé par les cultures perses, britanniques et bien sûr la gastronomie indienne, Bombay est une ville riche en saveurs qui, plus est bien moins chère que la plupart des autres villes de ce classement. Elle se différencie par la qualité de son street food et puis le cadre pas dégueu qui doit vous aider à digérer en toute décontraction. OK. Sinon, les Américains, eux, dans leur classement des villes les plus intéressantes où manger, eh bien, c'est Londres. La rivalité entre Londres et Paris passe par la bouffe. Et à ce petit jeu, c'est Paris qui perd. Pourquoi Londres alors, quand on sait que les Anglais, en général, ne sont pas spécialement connus pour leur gastronomie? Mais ça, c'est une vieille, vieille rengaine. Parce qu'à cette heure, il y a tellement de grands chefs. Il y a Curtis Stone, on a Gordon Ramsay, on a des très grands chefs anglais. Je trouve que c'est vraiment un peu raciste, cette façon de voir la chose. Eh bien, parce qu'on ne sait pas faire, on demande aux meilleurs de venir nous le faire pour nous. Et c'est ce qu'on a compris hein, avec les Anglais. Donc, en bonne ville cosmopolite, il n'y a pas un type de bouffe que vous ne pourrez pas goûter à Londres, que ce soit en street food pour petit budget ou en restaurant très chic. En effet, la capitale du Royaume-Uni, qui n'était pas vraiment célèbre pour sa gastronomie, il y a encore une dizaine d'années, est rentrée petit à petit dans le monde de la hype, au point de devenir la maison des deux plus grands restaurants du monde, le Diner de Heston Blumenthal, hein, lui aussi je l'avais oublié, qui est malade, et The Ledbury's. Sinon, les Américains aussi aiment, sont un peu chauvins. En cinquième position, eh bien, c'est New York City. Ils sont sympas, ces Américains, quand même. Ils font un classement et ils se mettent qu'en cinquième. Alors qu'avec la diversité culturelle de New York, on peut rester une vie en découvrant un nouveau plat par jour. Entre Chinatown, Little Italy, les diners traditionnels, les restaurants japonais, un vendeur de hot-dog crado, mais délicieux, vous aurez tout le temps de découvrir les nouveaux trucs. New York, c'est comme Londres qui allie les endroits les plus classes aux plus crades. Hein? Mais c'est aussi ça qui fait le charme d'une ville et de sa bouffe aussi. Hein? C'est vrai que ça donne faim, ce top. Sinon, les Américains ont classé en sixième position la ville de Marrakech, donc au carrefour de la France, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Marrakech est la destination orientale idéale pour tout occidental qui rêve de se sentir un peu plus loin que le bout de sa langue. Ici, vous pourrez donc vous régaler avec une kefta achetée dans la vieille ville pour rien, autant qu'en allant dans les restos très classes tels le Bozin. Génial! Sinon, autre ville que les Américains affectionnent côté nourriture, eh bien, c'est Carthagène des Indes, qui se trouve en Colombie, malgré son nom, et qui donc prend la place de Bogota, plus célèbre qu'on attendait aussi dans le classement. Ce qui fait pencher la balance, c'est le cadre magique de la ville au bord de l'eau, mais aussi la richesse de ses poissons et crustacés. Notons aussi les fritos, les stands de snack food, dans lesquels vous trouverez notamment des arepas, des pains de maïs blanc ou jaune, parfois garnis de jambon, de fromage et de viande. Mais là, moi, j'ai le goût de lâcher le micro et d'aller manger, sérieux. Sinon, les Américains affectionnent la ville d'Istanbul en huitième position. Donc, c'est le bon Zelbey kebab ou miam miam, quel succulent baklava. Voilà à peu près ce que vous entendrez si vous vous baladez à Istanbul près des touristes français en train de manger et qui s'expriment avec des expressions des années 50. La capacité des Turcs à réinventer leur sauce des mets que l'on connaît déjà, l'omelette nememen, la pizza imankun ou autre, vous permettra de faire voyager votre palais sans trop être dépaysé. N'oubliez pas non plus le thé, notamment le thé aux pommes. Donc, il y a plein de thé à Istanbul, Constantinople. Donc, c'est ça. Sinon, on s'en va vers l'Asie. Je trouve qu'on avait oublié ce coin du monde. La bouffe japonaise est sûrement l'une dont on a la représentation la plus étroite. Il faut aller manger à Tokyo. En effet, les restaurants japonais en France étant la plupart du temps tenus par des Chinois, qui ne servent que des sushis et des brochettes au fromage, un voyage à Tokyo vous fera le plus grand bien. C'est aussi ce que semblent penser les gens qui ont établi ce classement à goûter absolument le ramen et les tonkatsu. Mais les vrais, là, pas les cossins, là, les vrais bons ramen. Et finalement, la 10e ville de ce top, eh bien, c'est Barcelona. Le patrimoine gastronomique de la Catalogne est au moins aussi gros que la fierté de ses habitants. Contrairement à New York, Paris et Londres, qui font leur richesse culturelle et démographique, un atout de leur cuisine, Barcelone fait sa force dans son identité. Entre la picada, le sofregit et les nombreux tapas, ainsi que les desserts catalans, vous aurez de quoi vous régaler sans être lassé jusqu'à vous faire exploser le bedon. Barcelone, c'est aussi la terre des frères Adrià, célèbre duo de cuisiniers catalans, chic, qui ont plus de 5 restaurants dans la ville de Gaudí. Alors, c'était le top 10 des villes les plus gastronomiques selon nos voisins américains. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. À l'habitude, c'est le mardi qu'on fait sa plus simple expression. En fait, si vous étiez avec nous hier, on l'a fait, mais on était juste pas assez plein. On avait comme la jauge au milieu, je te dirais. Ça. Uh-huh. Ouais. Fait qu'on s'est dit qu'une deuxième partie serait pas pire. Voici donc sa plus simple expression. Sa plus simple expression. La chronique dans laquelle j'essaie de vous expliquer un peu pourquoi on dit ça dans la vie, ces affaires-là. C'est quoi l'affaire? Bon... Ah ouais. Ma petite thématique aujourd'hui, c'est un peu, je te dirais, les éléments, les matériaux. L'eau, le feu. Ouais, mais aussi les matériaux, tu sais, peut-être. Le cuir. Ça fait de même, là. OK. C'est ça. D'accord. Tu comprends un peu où je m'en vais? Tout, dans le fond, tu sais. Tout ce qui est soit du matériau ou de. Non, mais je veux dire. Oui. Mais tu sais, un sac à dos. Ça marche pas. Non. OK. Ta face, ça marche pas. Elle marche pas en tout, en fait, je pense, depuis toujours. Elle n'a jamais vraiment marché. Donc, première expression qu'on va essayer de démystifier ensemble, à brûle pour point. À brûle pour point, mais j'imagine qu'un point comme ça, c'est quand tu frappes quelqu'un tellement fort en frottant sa peau que ça fait une flamme. Comme une allumette. Ah, t'es violent. Quasiment. En fait, ça veut dire brusquement, sans ménagement. Donc, cette expression a une origine militaire. Oh. Donc, lorsqu'on tirait un coup de feu sur quelqu'un de très près, à bout portant, on lui brûlait le pourpoint. Le pourpoint, c'est un vêtement masculin qui couvrait le torse, utilisé entre le 13e et le 17e siècle. On peut aussi en porter dans World of Warcraft. Donc, cette métaphore utilise d'abord l'idée d'efficacité. Donc, pour tuer quelqu'un, plus on est prêt, plus on a de chance de réussir, bien entendu. Mm-hmm. Puis de soudaineté, donc de surprise, pour pouvoir tirer à brûle-pourpoint sur quelqu'un, il faut le surprendre. Donc, à brûle-pourpoint, brusquement et sans ménagement. De la soudaineté, tu vois, je me suis toujours demandé, tu sais, c'est-tu soudain ou soudainement? Parce que j'avais entendu les deux, je pense qu'on peut. Il y en a un qui se dit pas, quelque chose comme ça. T'sais, puis là, j'entends soudaineté, puis je suis comme, waouh, il va falloir que j'aille me renseigner. Ben en fait, ça n'a pas le même rôle dans la phrase. Soudain que soudainement? Tu vas dire soudain, telle chose arriva dans une narration peut-être. Sinon, tu vas dire il est arrivé soudainement dans le local. OK. Mais tu vas dire soudain, il est arrivé dans le local. Mm-hmm. Mais tu pourrais dire aussi soudainement, il est arrivé dans le local. Les deux se disent mais, la même... Mais tu pourrais pas dire il est arrivé soudain dans le local, alors que tu veux dire il est arrivé soudainement. C'est un adverbe. Genre. Mais soudain aussi. Aussi. Mais pas utilisé au même endroit. Wow. Mais quand même, au moins, ça m'aide un petit peu. Prochaine expression, donc. Oui. Jeter de l'huile sur le feu. C'est une très bonne façon de faire des frites, je pense. C'est de jeter. Donc, ça paraît que tu cuisines pas. Je te dirais que c'est plus... C'est pas ça que tu lances pas les frites dans une flamme, genre... Non, je te dirais que c'est plus une façon de foutre le feu. Uh-huh. Donc, jeter de l'huile sur le feu, c'est envenimer une querelle, inciter à la dispute, aggraver une situation. Contre des frites, parce que là, ils te veulent une frite. C'est pas non, ta gueule. Donc, datant du 17e siècle, cette expression n'est qu'une image reprenant justement l'amplification immédiate du feu et dont le résultat désastreux qu'on obtiendrait en y jetant de l'huile pour tenter de l'éteindre. Donc, ça serait totalement ridicule d'essayer de faire ça. Ben oui, c'est comme dans la chanson, là. The girl is on fire. C'est qui chante ça, là? C'est Christina Aguilera. Je sais même pas de quoi tu parles. Autant en emporte le vent. Je te parle pas de l'émission. Non, ben, j'allais justement dire. Autant en emporte le vent, ça a sûrement rapport avec quel bon vent t'amène. Donc, autant en emporte le vent qui t'amène un invité à la maison. Puis tu fais comme, hey, salut! Ah, il est déjà parti parce que le coup de vent arrête pas nécessairement à ta porte quand tu veux. En fait, autant en emporte le vent, ça signifie se dit des choses auxquelles on s'engage ou qu'on se promet à soi-même et qu'on n'exécute jamais. Oh! Donc, cette expression était déjà employée au 13e siècle. Donc, c'est depuis le 16e siècle qu'elle a un sens proche de celui d'aujourd'hui, hein, lié à la vanité, la fugacité des choses et aux promesses sans suite. Donc, par allusion aux œuvres humaines fragiles que le vent balaye en n'en laissant aucune trace, les faisant tomber dans l'oubli. Donc, par exemple, on pourrait utiliser « autant n'importe le vent », peut-être avec des promesses de politiciens ou... Quelqu'un qui dit qu'il va arrêter de fumer, mais qu'il le fait jamais. Mm-hmm. Ou quelqu'un qui dit « Là, je vais perdre 10 livres », mais qui dit ça depuis à peu près 15 ans. Donc, autant en emporte le vent. Ben, peut-être qu'il voulait perdre 10 livres sterling. T'sais, c'est comme 20 piastres canadiens. On a appris tantôt. Ensuite, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça, c'est... Je pense que c'est sexuel, parce qu'on appelle le vase l'entregent féminin. Hein? Ouais, en triangle. En triangle. La goutte d'eau, ben évidemment, vous pouvez vous l'imaginer vous-même. Donc, je pense que c'est ce qui cause un débordement ou un écroulement de terrain, je pense aussi, qu'on appelle des fois. Ça pourrait être une métaphore de l'accouchement, hein, ou de la grossesse. C'est ça, perdre ses os, ben non, oui. Non, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, dans le fond, c'est que c'était la goutte d'eau qui a fait qu'à un moment donné, ça finit par déborder, il est sorti un bébé. Oh, oui. Hoppa. Mais c'est pas ça. Là, je voudrais pas vous induire en erreur. Là, ce que je dis, c'est pas toujours la vérité. C'est moi qui dis niaiserie, c'est ça. Mais tu m'as inspiré. C'est bon. Donc, en fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le petit détail supplémentaire qui rend une situation intolérable ou insupportable et qui provoque parfois une réaction violente. Donc, c'est sous cette forme, cette expression apparaît chez Stendhal au début du 19e siècle. Mais Madame de Sévigné, au 17e siècle, pardon, en utilisait une variante de même sens avec un verre au lieu d'un vase. Donc, on a tous observé ces récipients remplis d'eau au-delà de leur bord. Donc, la limite bombée de liquide un peu comme accrochée au bord du récipient avec le trop-plein prêt à s'écouler à l'extérieur au moindre choc ou dès qu'on y ajoute une goutte. Donc, l'expression fait bien le parallèle entre la tension ou l'énervement qui monte, donc le vase qui se remplit jusqu'à être bien plein, et l'explosion qui suit. Donc, le vase finit par déborder dès que la petite goutte de trop y a été versée. Donc, on peut rapprocher cette expression avec la coupe est pleine ou en avoir ras-le-bol. Mm-hmm. Donc, c'est tous dans la même lignée. Eh ben. Ensuite, valoir son pesant d'or. Valoir son pesant d'or, c'est quand je vais chez Harvey, je croise Monsieur le maire. T'es comme un peu obsédé, là. Non, c'est l'histoire du jour. Et il m'a dit bonjour. Fait que... C'est comme, OK, je me fous de toi. Il t'a reconnu. C'est toi, le gars, le matin. C'est Mathieu Plante, du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante. Clairement, c'est ça. Est-ce que je l'ai déjà dit que si ton nom, ça avait été Mathieu Tousignan... Pas en nom, je pense pas, non. Si ton nom, ça avait été Mathieu Tousignan... Ben, parce que c'est quand même Mathieu Tousignan Plante, ça avait été seulement Mathieu Tousignan. Le Mathieu Tousignan Show, ça aurait été le MTS au lieu du MPS. Clairement, j'aurais jamais appelé ça le Mathieu Tousignan Show. J'aurais trouvé autre chose. Je ferais encore CNX, je pense, si c'était ça. J'aurais jamais... Comment, le MTS? Non. L'émission qui se transmet intelligemment, ou je sais pas quoi. Je la garde en tout cas. Yeah. hier. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, Valoir son pesant d'or. Si je croise M. le maire. Oui, oui. Au Harvey's. As-tu dit que sa soupe de tomate était bonne? Monsieur le maire? Non, j'ai pas osé. Non, à la place, j'ai pris des cornichons frits et panés. C'était carrément bon. Trempé dans la trempette trench. Ouais, puis c'est quoi le rapport avec Valoir son pesant d'or? C'est Colin, je me sens pesant, fait que je dors sur le banc. Oh! Je vois mon pesant d'or. Je pesant. Le pesant d'or. Je suis comme un paysan pour monsieur le maire. Parce que pour monsieur le maire, il est tellement gratin. T'sais, moi, je suis un paysan. Fait que je vois mon paysan d'or gratin qui est en train de dormir sur moi. C'est ça. Dors sur le banc. Donc, en fait, Valoir son pesant d'or, t'étais loin cette fois-ci. Merci. Donc, c'est être d'une grande valeur, d'un grand intérêt et de grand mérite. Donc, pesant, bien entendu, vient du verbe peser. L'or étant un métal de grande valeur, on imagine bien que le poids, donc le pesant en or de quelque chose de pas trop léger, représente une somme importante. Donc, cette expression se retrouve dès le 13e siècle, où on comparait déjà un être cher à son poids en or. Okay. Donc, une hypothèse veut que l'origine viendrait d'une déformation du besant, qui serait l'ancienne, l'ancienne monnaie en or de Byzance, donc la future Istanbul, dont le poids constant, qui était chose assez rare pour les pièces de l'époque, était de 4,48 grammes. Donc, certains rejettent cette hypothèse-là sous prétexte que le besant n'avait qu'une très faible valeur et qu'on n'aurait donc pas cherché à faire des comparaisons flatteuses basées sur cette pièce-là. Mais si pour obtenir un même poids en or, on met dans la balance 4 lingots d'un kilo ou 900 besans, la valeur finale d'or en reste la même. Donc, la raison invoquée pour le rejet de cette hypothèse paraît insuffisante, ce qui fait que le mystère demeure encore avec cette hypothèse-là. Une chose est sûre, c'est qu'au 17e siècle, pour se moquer de quelqu'un ou indiquer qu'il avait de gros défauts, on dit qu'il valait son pesant de plomb. Ah, intéressant, hein? Oui. Sinon, on peut dire valoir son pesant de cacahuètes, qui est une variante ironique désignant quelque chose de ridicule ou sans valeur. Comme il travaille pour des peanuts. C'est exactement ça. Donc, ouais, tu vaux ton pesant de peanuts. Ah! Ouais. Moi, je trouve ça très, très drôle et j'ai envie de conserver cette expression-là dans mon vocabulaire. Mais ça. Ensuite, filer un mauvais coton. Ouais, ben, j'ai appris de M. le maire hier... Décroche! Non, parce qu'il y a tellement d'anecdotes. J'ai passé 30 secondes en sa compagnie, genre environ, tu sais. Puis il m'est On dirait que c'était vraiment les 30 plus belles secondes de ta vie. Non, mais je m'en sac, mais à vraiment beaucoup, mais ça fait des affaires à dire. Et il met 4 tranches de cornichons dans son hamburger. Tu sais, je veux dire, tu t'attends pas à ça, c'est comme fascinant. Non, c'est surprenant! Tu sais, oh, monsieur, il se permet 4 tranches de pickles, t'sais. Mais non, sa blague. Ok, j'ai appris ça, puis c'est pas de la diffamation, c'est juste une blague qu'il a dit, puis je pense qu'il dit en public, là. C'est. Pareil comme nos femmes. C'est ça sa phrase clé, OK? Tu sais, mettons, s'il y avait une sitcom, mettons en vedette, Monsieur le maire de Trois-Rivières, sa sitcom, sa catchphrase, ça serait comme nos femmes, hein? Comme, mettons, dit quelque chose, mettons, tu sais, n'importe quelle phrase, comme, mettons, c'était quoi ton expression? Filer un mauvais coton? Ouais, c'est comme notre femme, ça, hein? Comme nos femmes. Filer un mauvais coton, hein? Mais comme ça dit. Veut rien dire. C'est tout, il dit tout le temps ça. Pour vrai? Comme nos femmes, hein? Comme, mettons, ah, tu sais, ah, on vient au restaurant, hein? Nos femmes nous ont mis dehors, hein? J'en sais. En tout cas, bref, sachez-le. Oh, wow. Ouais, comme nos femmes. Moi, écoute, ben, tu me fais penser, toi, avec ta rencontre avec M. le maire. Moi, c'est mon chum qui a été vraiment très, très, très marqué par sa rencontre avec M. Kia. Donc, Le prix du gros. Le prix du gros. Okay. Donc, il a vu le prix du gros à la pharmacie. Wow. Puis ça a l'air que il y a une grande gueule. T'sais, il parle beaucoup, là. Il y a beaucoup de charisme d'entre gens et de verve. Est-ce oui, que exactement. Tu peux mettre des 4 cornichons sur ces pilules? Je sais pas. Je sais pas. Bref. Comme nos femmes. Filer un mauvais coton, c'est dépérir, avoir la santé qui se dégrade. Comme nos femmes. Ta gueule, mon Dieu. Non, mais aussi, ça peut vouloir dire faire de mauvaises affaires, mener une vie déréglée, ne menant à rien. Donc, à la fin du 17e siècle, je commence à apprendre le symbole par cœur là, du T'as plus le plissement des yeux comme tu avais récemment dans cette chronique-là. Mais là, le 17, il y en a beaucoup là, dans ça donne passé, aujourd'hui. Là. Donc, à la fin du 17e siècle, pour signifier se ruiner, on disait jeter un vilain coton. Bon, donc, par allusion aux étoffes qui, en s'usant, perdaient des boules de fil de coton jusqu'à leur détérioration complète ou à la déchirure. Au 19e siècle, alors que la même expression signifie déjà dépérir par maladie, vilain est progressivement remplacé par mauvais et l'installation de nombreuses filatures où on file le coton provoque le remplacement de jeter pour aboutir à l'expression actuelle filer un mauvais coton. Cool. Ensuite, faire long feu. Faire long feu, c'est quand tu demandes à ce que ta boulette de viande, Charlie, soit vraiment bien cuite, c'est ça. Ah, ouais, ouais. Long feu. Ça pourrait être ça. Y a rien avec Monsieur le maire? Non, non, je me rappelle pas du reste, à part les cartes cornichons. Il me semble qu'il demandait deux tranches de tomates. Il aime ses légumes, tu vois que... Comme c'est sa bien. Femme. Mais c'est bien, il mange des légumes. Oui, c'est ça. On dirait que des légumes chez Harvey, ça compte pas. Elle aime les Il aime les légumes comme sa femme. T'en comprends-tu? Mais là, ça sert de la diffamation, fait qu'on dira pas ça. T'sais. Ah non, mais parce que sa femme, elle aime les légumes. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, on dira pas ça. Continue. Donc, faire long feu, c'est traîner en longueur, ne pas produire l'effet attendu, échouer. Hein? Parfois, tes jeux de mots ne font pas long feu. La plupart de mes références ou même juste mes locutions et mes phrases. Donc, cette expression est une métaphore qui date d'avant l'invention des cartouches étanches lorsque, par exemple, on chargeait un fusil avec de la poudre, parfois trop humide, pas trop humide, là, trop humide, pour qu'elle puisse s'enflammer d'un coup au moment de la percussion et provoquer une explosion. Donc, la poudre pouvait alors faire un misérable pssst, un peu trop mou pour expulser la balle avec force. Okay. Donc, d'une manière générale, si la morse ou la mèche destinée à faire exploser une cartouche, un bâton dynamite ou un pétard, etc., s'éteint ou se consume trop lentement pour provoquer l'explosion, ça fait long feu. Ah! OK? Donc, il ne faut pas confondre cette expression avec « ne pas faire long feu », où cette fois, la métaphore porte sur un véritable feu, qui serait plus à rapprocher avec « feu de paille », qui veut dire « ne pas durer ou rester longtemps ». Donc, ne pas faire long feu. Et faire long feu viendrait de deux origines complètement différentes. Ah, genre un mot de différence, mais tout ouais. change. Et super ben. Intéressant. Et finalement, éclairer la lanterne de quelqu'un. Donc là, on se demande, il y a où l'élément là-dedans ou le matériau. Là, je sais que tu t'es pas posé cette question-là depuis le début. La lumière, peut-être? Parce que, ben, c'est ça. J'avais oublié ton thème, moi. La non, lumière. Ben, moi aussi, mais en regardant ça, tantôt, c'est quoi le rapport à éclairer la lanterne? Je me suis parlé de même tantôt. Oui. Mais d'où de lumière? Ouais. Mais c'est parce que tu sais, à un moment donné, t'as qu'à pas le classer nulle part. T'as bien raison. Donc, éclairer la lanterne, c'est la mission, je te dirais, du maire, de Trois-Rivières, de faire que la ville ne soit pas aussi lente et terne. Parce qu'on dit des fois de Trois-Rivières, c'est donc bien lent et terne. Oh, c'est bon! Fait qu'il se dit non, non, non, non, non, non, non, quatre cornichons! Non, je me suis dit... Parce que ça met du bonheur dans ma journée. Non, je me suis dit peut-être que, vu que c'est l'Halloween, lanterne, jack-o'-lantern, peut-être que M. le maire a déjà creusé son burger pour mettre une petite lanterne dedans. Peut-être, avant, oui. Ça doit être comme l'origine avant le navet. Oui, oui. Ah, peut-être. Oui, chandelle, un chandelle de poulet. Je sais pas d'autres blagues. Oh, bien. Ça me vient comme un ça, des blagues. Chandelle de poulet barbecue. Ouais, c'est ça. Malade. Éclairer la lanterne de quelqu'un, donc, c'est dire, ajouter ce qu'il faut, le détail nécessaire pour être compris. Autrement c'est ça, dit, quatre cornichons, c'est apporter les éléments nécessaires à la compréhension de quelque chose. Donc, tu peux pas comprendre ton burger si t'as pas quatre tranches de cornichons. Voilà. Donc, on retrouve ici, j'ai dit trois fois « on », mais j'ai hésité. On retrouve ici l'équivalence fréquente entre lumière et compréhension intellectuelle. Par exemple, c'est pas une lumière, c'est pas une 100 watts, hein? Donc, cette expression vient de la fable de Florian, que je ne connais pas malheureusement. C'est le singe qui montre la lanterne magique dans laquelle un singe savant, voulant épater ses collègues, animaux divers, les convie à un spectacle dans lequel il utilise la lanterne magique. Donc, la lanterne magique, c'était un appareil de projection du 17e siècle muni d'un système optique qui permettait de projeter sur un écran des images peintes sur verre en les agrandissant. Donc, pour éclairer votre lanterne sur le sujet. Ah. Je suis trop drôle. Non. C'est pas écrit, là. Non, c'est un gag original de Stéphanie Parade. Donc, mais il n'oublie qu'un seul petit détail pour que les autres animaux comprennent pourquoi ils sont là. C'est d'allumer la lanterne. Donc, il n'y avait pas allumé la lanterne magique. Donc, les animaux ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Donc, c'est suite à la publication de cette fable qu'à cette époque, oublier d'éclairer sa lanterne voulait dire omettre un point essentiel pour se faire comprendre. Par la suite, l'expression s'est transformée pour devenir celle aujourd'hui. Hey, mais c'est donc bien intéressant tout ça. Et voilà. Steph, je mérite pas autant de bonnes informations. Franchement. Si on revient à mon Harvey. J'avais d'autres anecdotes. La table oui, de côté. Vite ton cœur. Ben, c'est ça, tant qu'à avoir des affaires à dire, ce qui est rare parce que je fais jamais rien de ma vie. Mais. C'est la sortie chez Harvey, c'est comme. des histoires pour la semaine avec ça. Là. L'événement de ma semaine, clairement, j'ai passé une demi-heure là, puis c'était assez pour nourrir une demi-heure de contenu. La table à côté, j'arrive avec mon repas, okay, c'était genre un beaucoup trop gros repas. La madame à côté, dans sa 80aine probablement, sort, tu sais, les gros coupons larges avec une loupe dedans. Ouais, pis comme pour se couper les ongles d'orteil. Genre, hein? Fait qu'elle commence à se couper les ongles avec ça. À la table, je suis à côté de moi. Ben voyons fait donc. Fait que j'étais comme, je protégeais quasiment ma poutine au bacon. pour pas qu'il y ait de copeaux d'ongles dedans. J'ai vraiment sérieux? Des hauts le cœur, c'est dégueulasse. C'est parce que tu te prends pour qui? Ne sais-tu pas que tout le monde rit des gens qui se coupent les ongles en public en général? Mais tu fais juste pas ça. T'imagines dans un restaurant. Tu fais juste pas ça. J'étais outré, complètement outré. Et après ça, son mari arrive. J'imagine que son mari, même âge et genre même regard de « on se déteste tous les deux depuis probablement 70 ans ». Franchement. Pour vrai. Mais il dit « mis des cocombes dans le... » Non, c'est des cornichons, mais c'est pas des cocombes. Et ça, c'était mon autre anecdote. Parce qu'il n'y a pas de cocombe dans ton burger, il y avait des cornichons. Mais tu sais qu'à l'origine, ça a déjà été quand même. Ouais, mariné, ouais. Ça devient un cornichon, c'est ça. En tout cas, bref. Ouais. C'était beau. Puis le matin. Ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui, c'était. Je pense qu'on a assez tourné autour du pot de cornichons. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30. Et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et là, on s'en va dans un peu... on va aller dans les crapauds. Ça nous vient du site Le Matin, matin.ch, qui est un site francophone, plus particulièrement qui nous vient de la Suisse. Et sérieusement, on a toujours des histoires assez rocambolesques. On parle cette fois-ci du tireur de Seattle qui avait déjà invité ses victimes à déjeuner. Le tireur avait organisé une réunion avec des amis pendant le déjeuner à la cafétéria. C'est ce qu'a rapporté lundi le 27 octobre dans un communiqué la police du comté de Snohomish, qui enquête sur la tuerie du lycée de Marysville-Pilchuck. Un témoin a confirmé donc que les cinq victimes étaient assises à la table quand le tireur a ouvert le feu, atteignant ses cibles avant de retourner l'arme contre lui. Assez glauque, hein? La police a également confirmé que l'arme du criminel, un pistolet Beretta calibre 40, avait été acheté légalement et enregistré comme il se doit et qu'il appartenait à l'un des membres de la famille du tueur. Les enquêteurs tentent à présent de déterminer comment Jalen Freeberg a mis la main sur ce pistolet avant la fusillade de vendredi dernier. Ils ont par ailleurs précisé que l'enseignante de primaire qui aurait tenté de confronter le tireur pendant la fusillade aurait en fait pas eu de contact physique avec lui pendant l'incident. Des informations précédentes avaient fait état d'une lutte entre elle et l'adolescent meurtrier. Cette enseignante était célébrée depuis ce week-end comme une héroïne dans les médias américains et sur les réseaux sociaux. L'enquête devrait durer plusieurs mois en raison de la complexité des faits, de la multiplicité des témoins, etc. Jalen Ray Freeberg, un élève d'origine amérindienne, décrit comme un garçon gentil et populaire par ses camarades, était une vedette de l'équipe de football du lycée de Marysville, une ville située donc à 45 minutes, au nord de Seattle. Bien proche de Vancouver, ça. Les deux victimes décédées étaient des adolescentes, dont l'une, Jaya Soriano, 14 ans, qui a succombé à ses blessures dimanche. Une autre jeune fille de 14 ans ainsi qu'un garçon de 15 ans restent dans un état critique, tandis qu'un autre garçon du même âge est hospitalisé après avoir été touché à la mâchoire. Son état est jugé très sérieux par les médecins. J'espère que ça ira mieux pour ces jeunes. Triste et vraiment plus que triste nouvelle. Ici, je vous parle d'un tueur à gages qu'on n'a pas beaucoup entendu parler et pourtant, c'est un Québécois. Il faut qu'on aille sur un site de la Suisse pour en parler. Eh bien, c'est pour ça que je vous en fais part. Je vous raconte un peu l'histoire. Il y a 8 ans, Gérard Galland était arrêté à l'hôtel Excelsior, un 3 étoiles près de la gare de Cornavin à Genève. La police genevoise recherchait justement ce Québécois âgé de 56 ans, ancien boucher, désormais retraité pour une banale affaire de cartes de crédit falsifiées. Sans savoir, les inspecteurs venaient de mettre la main sur le pire tueur à gage de l'histoire du Québec, avec 28 meurtres et 12 tentatives de meurtre à son actif. Maître Manuel Moureau, son avocat genevois de l'époque, se souvient de son client comme d'un homme plutôt agréable. Il y a un fossé entre son apparence et les faits pour lesquels il a été condamné. 8 ans après son arrestation et son extradition, ce petit homme originaire de Chicoutimi refait la une de la presse canadienne suite à une série d'articles parus dans le Journal de Montréal. Ah, de l'autre, ben, c'est sûr, il faut dire que je lis jamais le Journal de Montréal. De l'autre côté de l'Atlantique, les journalistes ont pu se procurer des bandes vidéo de ses interrogatoires ainsi que des nombreuses pièces du dossier de la Sûreté du Québec. C'est inédit et assez édifiant. Galland explique qu'après son séjour en Suisse, il comptait retourner à Donnacona, la ville où il habitait avec sa femme, plus riche de maintenant 400 000 $ grâce à la revente sur le marché noir européen de montres haut de gamme qu'on lui avait commandé de voler en Suisse. Depuis une semaine, à cette époque-là, il arnaquait des bijouteries pour une valeur d'environ 250 000 $ au moyen de fameuses cartes de crédit falsifiées. Gérard Galland rapporte que pour mieux berner les bijoutiers, ils avaient acheté une veste Versace, une montre Cartier ainsi qu'un vrai portefeuille Louis Vuitton. Comment ce gamin à la santé fragile, affecté d'un sérieux bégaiement, a-t-il pu devenir ce chasseur de primes? Eh bien, à 15 ans, il quitte l'école et commence à faire des mauvais coups pour se sentir accepté des autres. Galland lit peu, à l'exception de journaux spécialisés dans des affaires policières. Au cinéma, il affectionne les films d'amour. OK. Une première peine de prison à l'âge de 19 ans, un petit braqueur sans envergure, écrit le Journal de Montréal. Il rencontre en prison un vrai caïd, leader du gang de l'Ouest. Pour lui, il le tuera la première fois. La suite, eh bien, c'est une double vie entre la famille et le sang. Pardon. Gérard Galland opérait alors pour le gang, pour le compte du gang de l'Ouest, mais aussi pour les Rock Machines qui se sont livrés pendant une décennie à une guerre sans merci avec les Hells Angels, bien sûr ici même au Canada. Les aveux de Galland ont permis l'interpellation de plus de 10 criminels dangereux au Canada pour son rôle de délateur. Les autorités canadiennes ont signé avec lui un contrat lui donnant droit à 50 $ par mois pour sa cantine. Le ministère de la Justice est engagé à assumer les coûts relatifs aux mesures de protection du prisonnier Galland, ainsi que de sa famille. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook du Dîner de cons en lien une partie de l'interrogatoire qui a été filmée, qui a été diffusée à JE. Mais comme je n'écoute jamais rien de TVA, ben, j'en avais pas entendu, mais pas du tout parler de cette histoire. Quand même assez particulière, hein? Vraiment. On va rester dans les crapauds. Ben oui, on est là, tant qu'à y être. C'est le segment où il ne fait pas bon vivre. Je vous parle d'un gourou polygame qui viole ses 21 épouses ainsi que ses filles. On lui donne au moins 30 ans de prison. Hein? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Donc, c'est un Israélien de 64 ans, leader polygame d'une secte qui a été condamné mardi à 30 ans de prison pour plusieurs crimes sexuels, notamment viol et inceste. L'avocat de Goel Radzon a indiqué qu'elle étudiait le jugement avant de décider de faire appel ou non. C'est une sentence sévère et grave, a déclaré Maître Ravital Hodzer à la radio et la télévision. Goel Radzon, c'est l'inculpé, avait été inculpé en 2010 pour des faits d'esclavagisme, d'abus sexuels et de viols commis sur 21 femmes qu'il considérait comme ses épouses. Bien qu'il n'ait été légalement marié avec aucune d'entre elles, il était également accusé d'esclavagisme envers les 38 enfants qu'il avait eus avec ses femmes et de viol sur certains d'entre eux. Hein, c'est reluisant, ce monsieur. Hein? C'est un beau gourou et puis ceux qui prônaient l'amour universel. Il a été reconnu coupable le mois dernier de plusieurs viols et autres crimes sexuels envers 6 femmes et filles, mais a été acquitté des accusations d'esclavagisme. La plupart des femmes étaient mineures au moment des crimes. Certaines étaient ses propres filles, souligne le quotidien. Goel Radzon, cheveux longs mais clairsemés, barbe grise, est resté immobile sur sa chaise mardi dans le prétoire de Tel Aviv. Les 3 juges l'ont également condamné à 4 années supplémentaires de prison avec sursis, selon la radio publique. Avant son arrestation, Goel Radzon était connu depuis des années comme le gourou d'une secte dont les adhérents, toutes des femmes, l'adulaient, avaient des relations sexuelles avec lui et accouchaient de ses enfants. L'accusé avait piégé les femmes au sein d'un groupe qui prenait la forme d'une pseudo-famille construite autour du culte de sa propre personnalité. C'est ça un gourou, pour vrai. Il y en a rarement des bons. Peut-être en Inde, là, le gourou qui fait abstraction de tout, là, puis qui a rien, là, peut-être, là, mais sinon, en tout cas. Qu'est-ce qu'il dit? Pour parvenir à ses fins, il s'était donné l'image d'un être tout-puissant capable de guérir ou de détruire par le seul pouvoir de ses malédictions, celles qui s'opposaient à lui, toujours selon le texte. L'accusé traitait ses femmes comme si elles lui appartenaient et devait le servir. À travers ce contrôle total, les femmes finissaient par effacer complètement leur personnalité pour dévouer leur existence à satisfaire les besoins de monsieur, notamment financiers ainsi que sexuels, souligne toujours l'acte d'accusation. Lors de son arrestation en janvier janvier 2010, la police avait découvert 10 femmes et 17 enfants enfermés dans un appartement de 3 pièces dans des conditions épouvantables. Monsieur Radzon, on peut pas dire Monsieur Radzon à un aide comme ça. Radzon avait instauré un régime de terreur surveillant les femmes et les enfants par le biais de caméras placées dans leurs appartements. Il dit, j'ai le pouvoir de sauver et le pouvoir de détruire. Si tu outrepasses mes interdits, alors je m'assurerai que toi et tes enfants soient frappés par de graves maladies, menaçait-il selon un témoin cité par l'acte d'accusation. Vraiment un terrible, terrible personnage. Ouf! OK, on va aller... on va faire notre dernier écrapou. Après, on a de l'écrapou, mais moins morbide. Cette fois-ci, c'est un prêtre pédophile qui se pend dans sa sacristie. OK. C'est lors d'une conversation samedi avec l'évêque Maître Giampalao Crepali qu'on apprend que ce prêtre de 48 ans avait reconnu ses actes anciens sur une jeune fille de 13 ans. Il avait demandé 2 jours pour préparer une lettre demandant pardon à Dieu, à l'Église ainsi qu'à la victime. Mais lorsque l'évêque est arrivé mardi après-midi pour le rendez-vous destiné à lui signifier officiellement son renvoi de la paroisse et l'ouverture d'une procédure canonique à son encontre, il a trouvé le prêtre pendu dans sa sacristie. Dans le communiqué diffusé sur son site Internet, le diocèse appelle à prier pour l'âme du prêtre, regrettant que l'affaire n'ait pas pu suivre son parcours canonique et judiciaire qui aurait pu au moins apporter au prêtre un rétablissement humain et chrétien souhaitable dans le respect des lois. Ouais, OK, ça, j'aime mieux pas rien dire sur ça. OK. On continue, on a du stock, on y va. Et puis j'ai le goût d'en passer. Je le sais que c'est pas de la musique que vous avez le goût d'entendre. Pour vrai, c'est des nouvelles. Je le sais, on vous me le dit sur le net. Un tunnel de 40 mètres pour piller la salle des coffres. Ce sont des voleurs entreprenants qui ont creusé un tunnel de 40 mètres de long pour piller la salle des coffres de la Punjab National Bank dans le nord de l'Inde et faire main basse sur un butin de plusieurs centaines de milliers de dollars. Les malfaiteurs sont repartis d'une maison voisine de la banque située dans l'état de Haryana et ont creusé un tunnel qui leur a permis de déboucher dans la salle des coffres. Là, ils se sont emparés du contenu de 77 coffres, à savoir des centaines de milliers de dollars en liquide, des bijoux et autres valeurs. Pour accomplir leur méfait, eh bien, les voleurs n'ont pas eu besoin de recourir à des engins sophistiqués tant la sécurité était défaillante. C'est ce qu'a expliqué la police. Mais pourtant, c'est ce qu'a démenti la banque. Mais la police, elle dit. Le travail des voleurs a été facilité par le fait que le sol de la salle des coffres était en ciment ordinaire. C'est ce qu'a déclaré Arun Nera, porte-parole de la police de l'État. D'une épaisseur d'une vingtaine de centimètres de béton seulement. Ce vol audacieux rappelle le film bollywoodien à succès Doom, qui s'appelle Explosion, hein, qui est traduit, dans lequel une bande de motards monte un scénario pour piller les coffres de la banque. Dans la vraie vie, il rappelle que le casse du siècle commis en 76 par le gang des égoutiers à Nice, dans le sud de la France. Quand le malfaiteur Albert Sparigiari et ses complices avaient creusé un tunnel pour dévaliser la salle des coffres de la Société Générale. Et nous rappelle aussi cette histoire, le tunnel, ici même à Montréal. Il y a eu un film en plus là-dessus. Alors, ça nous rappelle tout ça. C'est pas les premiers tunnels qui ont été faits pour commettre des méfaits. Juste en dessous de la douane entre les États-Unis et le Mexique, eh bien, il y en a eu souvent des tunnels qui ont été trouvés comme ça et démantelés. Et à toutes les fois qu'il y en a un qui est trouvé, qui est démantelé, eh bien, il y en a un autre qui pousse sous la terre. Sinon, on va aller avec ça ici. On va aller pour 15 ans de prison pour de la drogue cachée dans des chapelets. Hein? Un Pakistanais a été condamné à 15 ans de prison pour avoir tenté de faire entrer à Dubaï 24 kilos d'héroïne dissimulée dans des chapelets, des tapis de prière ainsi que des copies du Coran. Donc, cet homme qui tentait de faire entrer dans les Émirats arabes unis 24 kilos d'héroïne dissimulée dans des chapelets, des tapis de prière et des copies du Coran ont été arrêtés par des inspecteurs de douane à l'aéroport international de Dubaï. L'individu âgé de 30 ans a été reconnu coupable de possession et de contrebande de drogue. Jugé rapidement, il a été condamné à 15 ans de prison. Il a aussi écopé d'une amende de 200 000 dirhams, ce qui représente 51 000 francs suisses et 15 jours pour... Il a 15 jours pour faire appel. Hein? Là-bas, la justice, on t'arrête, on te condamne, tac, tac, tac, c'est tout. Pour vrai, là-dessus, on pourrait presque les envier. Hein? Ici, ça niaise ben, ben, bien longtemps. On se fait cette dernière nouvelle avant d'aller en musique. Je vous parle de ces deux éléphants qui ont semé la terreur. Sept personnes, dont une fillette de 8 ans et un vieil homme de 75 ans, ont été piétinées à mort par ces éléphants qui ont chargé alors que les victimes n'ont pas réussi à fuir. OK. Le drame s'est produit lundi dans le village de Niambi, qui est le plus lourd bilan mortel causé par des éléphants de mémoire récente. La police et des experts en protection de la faune sont ensuite parvenus à renvoyer les éléphants dans le parc de Liwonde, l'un des plus visités du pays, qui abrite près de 500 éléphants et de nombreuses autres espèces, rhinocéros noirs, hippopotames, hippotragues noirs. Je ne sais pas c'est quoi un hippotrague noir, c'est peut-être hippopotame noir. Je sais pas. Les incidents sont monnaie courante selon les policiers et les villageois en partie responsables. Le problème est que les villageois vandalisent la clôture en fil barbelé qui doit maintenir les éléphants enfermés et protéger les villages environnants. Donc, ça serait un peu à cause des villageois. À cela s'ajoute la déforestation de vastes portions du parc. Les experts environnementaux estiment que 50 000 hectares de la surface détruite chaque année au Malawi pour fournir du bois de chauffe utilisé dans la cuisson des aliments. Le pays largement dépourvu d'électricité. C'est jamais une bonne idée de tout couper les arbres pour se chauffer. Hein? On l'a appris. Allez voir ce qui s'est passé à l'île de Pâques. Il me semble qu'on n'apprend pas beaucoup de nos erreurs. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est le moment de manger, d'ouvrir grand la gueule pour se s'insérer quelque chose dedans. Mais rien de sexuel dans ce cas-ci. Ah. Oh, donc t'es pas prête. Voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse de la chronique alimentaire, mais de malbouffe de la semaine, avec moi-même Mathieu Plante. C'est la chronique pas de classe où je prends la première affaire que je vois sur le bar, que j'ai jamais goûté, puis je l'amène en studio, puis on y goûte ensemble. Tu prends pas le temps de choisir. Je prends pas vraiment le temps de choisir. Ah, hey, tu sais, la semaine passée, tu te rappelles, j'ai gaffé. Genre, je t'ai envoyé à la chasse pour beaucoup trop longtemps. J'ai oublié de t'envoyer chercher des verres. Ah, fallait que j'aille chercher des verres. Fallait que t'ailles chercher des verres. Mais c'est pas. Va chercher des verres pendant que je parle de cône, OK? T'as tenté de faire ça? De cône? OK, je vais parler de cône, mais c'est vraiment pas intéressant, fait que tu peux y aller, OK? Des verres. Pendant ça, là, moi, je vais vous parler de cônes dans lesquels on sert des espressos. Aux États-Unis, c'est un café qui voulait réduire les déchets. C'est chez Alfred Coffee and Kitchen. Des verres de papier, de carton, de sirop mousse, c'est bien le fun, mais c'est du gaspillage. Donc, quoi faire? Un propriétaire de café trace un nouveau chemin avec des cornets de crème glacée trempés dans le chocolat, dans lesquels on va verser le café. Le propriétaire du café a fait faire ces cônes-là, ces cornets, par un confiseur local. On va pouvoir, évidemment, on ne pourra pas mettre de latte à la citrouille épicée dans son cornet. C'est seulement 4 onces, assez pour un tout petit shooter de peut-être de l'espresso. Une boisson d'espresso, d'ailleurs, chez Alfred Coffee, qui coûte seulement 3... En fait, c'est café, Alfred Café, hein, c'est le mot en français pour être plus cute. Coûte seulement 3$. Le cornet lui-même coûte 5$. Cornet trempé dans le chocolat, dans lequel on met un shooter d'espresso pour remettre Steph au courant. C'est ce qu'on fait chez Alfred Café. Les clients, les touristes vont visiter de partout dans le monde pour goûter à ce cornet-là. Et d'ailleurs, il y a un petit un farmer's market, un petit marché de produits super fancy. Donc, les gens sont habitués de payer cher. Donc, ça leur dérangera pas de payer 5$ pour un cornet et 3$ pour leur espresso. C'est à Los Angeles. Les gens paient des fois 8$ pour un petit macchiato, un macchiato, peu importe comment vous le prononcez. Bref, voilà. Et tant qu'à parler de cornet, Steph, chez Disney, dans les parcs... OK, je pensais que tu me traitais de cornet. Mais non, voyons. Ils servent, eux, du macaroni au fromage dans des cornets. Hein? Chez Disney, c'est vrai. Donc, évidemment, manger du macaroni au fromage, il n'y a rien de meilleur que ça, mais s'il était enveloppé dans presque du pain, si on regarde le cornet, c'est presque un cornet de pain qui contient du macaroni au fromage. C'est pas nouveau complètement, mais c'est nouveau chez Disney. Et moi, je trouve que l'idée est vraiment super bonne. C'est chez Disney Food Blog qu'on nous parle de ça. Il coûte 10$ chacun. T'as le choix entre macaroni au fromage ou encore chili cheese. Et chacun est servi avec des croustilles Lay's. Et c'est probablement 5 fois ou plus le gras que t'es supposé prendre dans une journée. Voilà. C'est un détail. Des détails. C'était donc mes petites nouvelles. Merci pour les verres, Steph. Ça fait plaisir. Parce qu'on va boire aujourd'hui. D'habitude, on mange. dans cette chronique-là, c'est plutôt rare qu'on boit. Et j'ai apporté, tu m'avais parlé il y a quelques semaines du fait, je me suis rappelé de ça, que t'aimais pas c'est écrit dessus, moi, le lire. Hein? Les crèmes soda. J'entends dire que t'aimais pas le crème soda. Donc, il y a des versions de ces crèmes soda-là au crème soda traditionnel, mais il y a aussi des saveurs, et c'est ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Ah. Peut-être pour voir si c'est capable d'aimer du crème soda à d'autres saveurs. C'est Virgil's Microbrewed, donc micro-brassé. C'est écrit vraiment en tout petit par-dessus l'image que ça utilise des ingrédients naturels. Est-ce que c'est écrit en français dessus? Non, absolument. Oui, c'est ça, OK. Donc, nous brassons un soda si pur, si riche et crémeux que vous jureriez qu'il a été fait au paradis, Steph. Tabarouette, rien de moins. C'est pour toi, ça. J'ai apporté le crème soda à l'orange. J'ai apporté aussi le crème soda à la cerise noire. Moi, j'irais avec la cerise, étant donné qu'en général, j'aime pas le tu sais, le goût. Voyons, comment ça s'appelle? J'ai un blanc total. Les genres de popsicles à l'orange, là. Les Mr. Freeze. T'aimes pas les creamsicles? Moi, c'est une de mes saveurs préférées. Mais comme j'ai apporté une bouteille de chaque et que t'as apporté deux verres, on a de la place pour finir, pour le mettre dans le fond de chacun de nos verres puis d'avoir les deux. On devrait pouvoir goûter aux deux chaque, je pense. D'après moi, on devrait pouvoir. Mais je veux pas goûter à celui-là, l'orange. Je veux pas goûter du je tout. Je sais que là. J'aimerais pas ça. Okay. Donc, nous avons parcouru le monde entier pour trouver le goût parfait de soda crème à la cerise. Nous espérons que vous aussi trouverez que c'est le meilleur soda crème à la cerise que vous avez jamais goûté. En tout cas, à date, ils mettent la barre haute là, parce que ça a l'air vraiment trop parfait. Là. Moi, j'ai goûté seulement à l'original. Je trouve que les bouteilles sont vraiment très, très belles. Oui, très jolies. Il y a un design qu'on n'est peut-être pas habitué de voir au Québec non plus. C'est un design très, très... Pour la bouteille en tant que telle, un design de bouteille de bière. Oui. Alors que l'étiquette est dessinée un peu comme une œuvre d'art, presque dans une église, on dirait, parce qu'il parle de paradis dessus. Ouais. Mais on dirait vraiment des disciples d'un bûcheron barbu à chemise à carreaux, je trouve. Sur le dessin, c'est des enfants qui sont assis sur des grandes chaises. C'est écrit en très, très gros. Cream soda. C'est des bouteilles, comme je disais, de bière de 12-11 liquide, 355 ml. Mais c'est pas de la bière. Okay. Bien sûr que non. Pas d'alcool dedans. C'est sans gluten, sans caféine, sans agent de conservation. On aime ça, je pense. Les ingrédients, c'est de l'eau gazeuse purifiée, du sucre de canne, l'extrait de vanille, de la saveur de cerise noire, dans le cas de la cerise noire, saveur naturelle et acide malique. J'imagine que c'est pas mal la même chose du côté de l'orange. Avec de l'extrait d'orange. Saveur d'orange naturelle, nous dit-on. C'est ça. Voilà. Est-ce que le texte est différent? Non. Donc, on a les deux bouteilles. Je vais pouvoir te les transférer pour les ouvrages. Je crois qu'ils sont... qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je veux celui-là au cerise, je veux pas celui-là à l'orange. Moi, je sais, mais je veux que tu ouvres les deux, tu sais. Fait que je vais te transférer celui-là en premier. D'après moi, il sonne pareil. Voilà. Je veux pas péter ta balloune, mais je suis pas mal certaine qu'il sonne pareil. Sûrement, sûrement. Donc, on va l'écouter dans le micro magique, l'ouverture de ce Virgil's Cream Soda. Si on est capable de le twist-offer. Oui. Oh, merveilleux. Mon Dieu, un peu trop facile. Facile à ouvrir. Beaucoup plus facile que de la bière, par exemple. Ouais. On verse aussi dans le micro magique. De la mousse. On entend bien le pétillant. Oh! Ouais. On dirait un jello, tu sais, que t'as trop brassé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petites bulles. C'est fascinant. T'en as pris assez pour ta soif? Oh my God, ça sent vraiment fort. Ça sent quasiment le sirop. Pour vrai? Oui. Ça sent c'est le sirop, du Buckley's, ça, je pense. Non, genre de bénilin. Bénilin Robitussin. Ouais, quelque chose de même. Ouais. Là, ça sent vraiment très, très fort l'arôme de cerise. Je suis certaine, genre, l'impression de boire du sirop. Bon, on va essayer de poroter à la fin, la liqueur. Donc, on y va? Mais santé. Santé. Pas grand chose. Non, mais c'est rafraîchissant quand même. La saveur de cerise est vraiment présente, mais c'est vrai que ça goûte pas le crème soda. Ça vient comme par-dessus la saveur de crème soda. Et pourtant, je trouve que la cerise est quasiment moins présente que dans le Dr. Pepper. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle un peu, en effet, le Dr. Pepper. Sinon, j'allais dire l'ancien. Il y avait du Pepsi à cerise puis du Coca à cerise. C'est comme du Dr. Pepper beaucoup trop sucré. Pas aussi pétillant que d'autres liqueurs. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est comme. Du Dr. Pepper flat et trop sucré. C'est ça, parce que du Dr. Pepper va vraiment te rentrer dans le nez tellement c'est pétillant. Ça, c'est déjà à la base pas pétillant. C'est comme si tu l'avais laissé sur la table peut-être une demi-heure ou plus. Mais j'aime beaucoup la saveur. Je te dirais que la texture, ça manque de pétillant. Ouais. Ça manque beaucoup de pétillant. C'est bizarre. Et pourtant, il y avait plein de mousse dedans. Ben c'est ça, plein de mousse. Puis on a entendu ouvrir, ça a fait le pshh. Je me demandais si c'était, c'est pas une question de bouchon. Peut-être que c'est le fait que c'est dans des bouteilles de bière un peu et non pas dans une bouteille classique de. Mais pourtant, les cokes sont dans des. Ben oui, c'est dans des bouteilles de vitre. Je vais ouvrir celui-là à l'orange, voir si ça sonne pareil. Des fois, qu'il y aurait une différence, ça pourrait arriver. Wow! Il n'y avait vraiment pas la même pression dedans. J'ai l'impression que ta bouteille était comme semi genre pré-ouverte. Ben, c'est donc bien bizarre. Peut-être, on va le savoir avec les bulles, je pense. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'était flat ce que tu avais. Je vais verser celui-là à l'orange. Okay. Plus de mousse? Non, moins. Moins de mousse, ça, c'est décevant. Ben, peut-être que je ne l'ai pas versé avec la même vigueur, mais... On goûte? Ça sent le popsicle à l'orange. Non, c'est flat, puis ça goûte pas assez l'orange. T'as raison. Et non plus pas assez le crème soda. J'ai comme l'impression qu'ils ont manqué leur coup sur les deux saveurs. Mais on dirait du jus d'orange. Tellement. Avec un petit peu de 7-Up dedans, genre un Fruitopia. On dirait de la boisson pour enfants, je te dirais. On dirait pas qu'ils essaient de viser un marché parce qu'en regardant les bouteilles, on dirait que c'est de la boisson crème soda fancy pour adultes. Ouais. Que tu te gâterais, t'achèterais ça une fois de temps en temps comme pour te gâter. Mais ça goûte la boisson pour enfants qu'on servirait dans un. Pas un fût, mais une machine distributrice, genre dans un restaurant, là, genre. Tu sais, le jus radioactif, genre aux pêches, genre? Ben oui. Ça a pas l'air assez fancy, je trouve. Même que le jus radioactif aux pêches, c'est un de mes jus préférés parce que ça me rappelle mon enfance, justement. Mais ça me rappelle juste rien. Ça me rappelle le goût flat et plate. Ouais, on est un petit peu déçus. Comme de quoi qu'on n'est pas heureux à chaque semaine, parce qu'on dirait qu'à chaque semaine, c'était comme « Wow, c'est dommage cool, c'est dommage fun, je vais en acheter. » Mais là, j'ai apporté quelque chose pour toi. Ah, tu vas nous nettoyer le palais un peu? Ben écoute, je suis allée au Costco hier. OK. Chercher 40 rouleaux de papier toilette. Que soit-il en passant, mon chum? Moi, hier, j'ai dit, va chercher dans la valise de l'auto. J'avais, tu sais, la bouffe du chat, la litière du chat et 40 rouleaux de papier toilette. Fait que ça me tentait pas, c'était pesant. Je suis allée chercher ça dans l'auto hier soir. Et ce matin, quand je suis sortie de chez nous, j'ai ouvert la porte. Et le papier de toilette était dehors! Il a oublié le papier de toilette dans le passage. J'aurais dû passer par chez lui, il m'en manque. Hey, mais on était chanceux là, qu'il soit encore là. C'est quand même 20 pièces de papier de toilette. Ouais. En tout cas, j'ai bien hâte de remettre ça dans la face, mais que je revienne chez nous. Donc, en allant chercher ce papier de toilette, bien entendu, j'ai ramené de la nourriture parce que Costco, avec les dégustations qu'il y a là, tu vas pas t'en empêcher. C'est ça. Donc, en fait, je suis un peu déçue tantôt là, avec Myriam. T'as dit que là, le popcorn, c'est plate, là. Ouais. Mais c'est vraiment hot, le popcorn, OK? C'est un sac de Chicago Mix. Le sac est très, très beau. Tu sais, c'est comme un sac mât blanc et bleu champêtre, je te dirais. Okay. Et c'est du popcorn. T'as, à l'intérieur, t'as du maïs éclaté beurre caramel. Est-ce que t'as la marque? C'est G.H. Critters. Critters, oui, Critters. J'ai parlé à un moment donné de ça, c'est super bon. T'en as déjà mangé? Je te brise le punch, mais c'est un de mes popcorns préférés de la vie au complet. T'en as déjà mangé celui-là? J'en ai déjà mangé. Donc est-ce que t'as goûté celui-là? C'est caramel beurre. Et l'autre, à l'intérieur, c'est au fromage cheddar. Je vais pas te décevoir, mais oui, j'ai déjà goûté, mais je vais y goûter quand même. Tu en as déjà mangé? Oui. Écoute, c'est le sac, un genre de méga sac. Oh. Et j'avais de la difficulté à arrêter d'en manger. Donc, il faut en prendre un au fromage avec un au caramel. Ça a l'air vraiment bizarre dit de même. Ah, fromage puis caramel. Détrompez-vous. Mais c'est le sucré salé le plus étonnant et satisfaisant que vous aurez jamais mangé de votre vie. Je vais faire comme si je n'avais jamais goûté, genre. OK. Mmh. Oh my god! Ah, c'est awesome! Mmh. Mmh. Pour vrai, c'est la meilleure chose. Oh my god! Je mangerais ça pendant genre 3 heures de fil. 1000 ans. 1000 ans de fil. Mmh. Pour vrai, c'est très très dangereux de passer à travers le sac, mais c'est quand même pas tant calorique que ça. Tu sais, oui, il y a beaucoup beaucoup de sucre dedans, là. Mais, tu sais, on s'entend, le popcorn en tant que tel est pas très calorique. Donc, une tasse et demie, c'est comme, je pense, c'est 140 calories. Fait que je pense que c'est un bon truc à grignoter devant la télé quand vous vraiment voulez vous gâter. Là. Oui, il y a beaucoup de sucre, mais faut pas virer fou non plus dans la vie. Ben non. Puis on ferait pas cette chronique-là sinon. Hein. Ce mélange-là est juste hallucinant. Ah. Mais il y a d'autres sortes aussi. En fait, on peut acheter le caramel seul. Okay. On peut acheter le fromage seul. Donc, tu peux acheter des gros jumbo 16 de chacun de ces sacs-là et te faire genre un baril. Mais c'est déjà des gros jumbo 16. Ouais. Sinon, c'est ça, il y a huile d'olive et sel de mer ensemble. Okay. Et je sais pas s'il y a une autre saveur. Je crois que ça, c'est caramel seul, fromage seul. Puis l'autre, c'est les autres formats de sacs, tout simplement. Puis ça, tu as huile d'olive et sel de mer. Ils sont pas nécessairement tous chez Costco non plus. Non, moi, c'est le seul que j'ai vu là. Ouais, moi, chez Target. J'en ai vu quelques sortes aussi en plus petits sacs. Okay. Donc, vous pouvez aller voir là si vous voulez pas acheter le sac Jumbo. Mais c'est un bon investissement, le sac Jumbo. Ah, oui. Parce que je m'attendais vraiment pas à ça, là, mais c'est... Une fois que tu découvres ça, tu te dis, comment est-ce que j'ai vécu sans ça? Je le sais pas. C'est ça. Je le sais pas. C'est vraiment bon. Ah. Même mon chum, dit, oh non, pas beaucoup de caramel, je vais juste prendre du lot fromage, je goûte aux deux. Ouais. Oh! Et c'est bon, finalement, celui-là au caramel. Ben, je te l'avais dit. Ça change une vie, Steph. Ah. Désolé de t'avoir gâché le punch. Hey, ça me dérange pas. J'ai déjà goûté, mais... Ben, c'est correct. Retenir, ouais. J'avais goûté, moi aussi, hier. C'est magnifique. G.H. Critters? Ouais, G.H. Critters. Donc, j'avais appelé G.H. Creton en ongle, mais c'est G.H. Critters. Ça ressemble quand même à ça pas mal. Mais c'est pas grave, si tu avais déjà goûté, peut-être que les gens à la maison n'y avaient pas goûté. Exact. Peut-être qu'ils connaissaient pas ça, mais aller goûter à ça, ça vaut la peine. Tout à fait. Les liens vers mes petites nouvelles sur assemblagerequis.com. Les noms des produits, on les insérera aussi là-dessus plus tard. C'était une grosse pointe d'adresse. On fait ça les mardis, en fin d'émission. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eux ne prennent pas ça smooth. Leur vie est pas facile. Je vous parle de ces mannequins de collision, vieux et obèses, pour recréer des Américains. Eh bien oui, les problèmes d'obésité et de vieillissement de la population qui touchent, entre autres, les États-Unis, ainsi que le Canada et plusieurs autres pays capitalistes, apportent parfois leur lot de surprises. C'est le cas avec les mannequins de tests de collision qui vont être adaptés à ce phénomène, dont les crash test dummies sont arrêtés au service au volant et ont pris un gros trio extra. Selon Chris O'Connor, président de la société Humanetics, les personnes obèses ont un risque de décès au volant plus élevé de 78 %. C'est pour répondre à ce problème que la société a développé des dummies de 273 livres, donc 123 kilos. En plus du poids, l'âge avancé de certains conducteurs est aussi une problématique à prendre en compte, surtout avec le vieillissement des baby boomers. Non, hein, c'est pas vrai. En effet, selon CNN, après 50 ans, les risques de blessures graves augmentent de 20 %. Le chiffre atteignait 40 % passé 80 ans. Pour contrer cela, la société Humanetics développe un prototype spécifique qui sera prêt dès l'année prochaine. Mais tout ce travail pourrait bientôt être obsolète. En effet, avec l'avancée des technologies informatiques et de simulation, il sera bientôt possible de rajouter du poids à un mannequin virtuel sans avoir besoin de construire ses célèbres et véritable dummies. Cette nouvelle manière de modéliser les tests de collision permettrait aussi d'économiser de l'argent, puisque un seul mannequin, un seul crash test dummies, coûte environ 500 000 $. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre comment ça peut coûter 500 000 $. Oui, il y a plein de sensors là-dedans, mais c'est quand même bien qu'un mannequin avec... En tout cas, mais gars, ils savent plus que moi, mais c'est une bonne, très bonne chose que les modèles informatiques soient désormais très, très performants et puis qu'ils puissent s'y fier. Parce que sans les crash test dummies, on n'aurait pas pu faire ces modèles informatiques. Hein? Bonne chose. Attends un peu, là, c'est juste l'ordi qui jam. OK, on continue. Une application mobile qui pourrait vous sauver d'un rendez-vous raté. Vous vous sentez mal à l'aise pendant ce rendez-vous et vous pensez qu'à une chose vous échappez subtilement. Grâce à un nouveau dispositif mobile, il suffit de taper du pied 3 fois pour pouvoir vous enfuir et tout ça sans faire de vagues. Un petit rectangle portable, joliment nommé Ruby, qui fait partie d'un système global appelé Dorothy. Eh bien, il s'agit d'un dispositif Bluetooth que vous n'avez qu'à clipser sur vos chaussures. Comme vous le voyez dans la vidéo, la puce est connectée à votre smartphone et s'active au bout de 3 tapotements. Selon et comment vous programmez l'application, Dorothy peut vous faire plusieurs choses. Wow! un coup de fil prétexte, un SMS, un texto, ou et à trois de vos amis qui partagent aussi votre position exacte. Les créateurs de cette application souhaitent aussi la rendre capable de vous appeler un Uber. Donc ça, c'est le genre de taxi communautaire, là, hein? C'est un peu ça. Techniquement parlant, Robbie est une efficacité redoutable, mais pour l'instant, le dispositif est encore un peu gros. Il paraît assez difficile de le dissimuler totalement à votre rancard. De plus, il ne reste pas vraiment en place lorsque l'on se déplace. Ces raisons préoccupent d'ailleurs les créateurs concernant la diffusion du produit sur le marché. L'équipe travaille à rendre le dispositif jusqu'à trois fois plus petit et réfléchissent à l'inclure directement à la semelle d'une chaussure. Il espère enfin aussi à réussir à améliorer la longévité de sa batterie. Assez important, tout à fait, hein, parce que si, surtout si c'est intégré à chaussures. Il évoque enfin l'idée de transporter ce dispositif pour les chaussures à un appareil qui pourrait se fixer sur un collier ou être relié à la même application. Et pourquoi pas en faire un objet également masculin après tout. Ça pourrait être une montre, ça peut être n'importe quoi. Si c'est petit, ça peut se fixer partout. Donc, ça, on tape trois fois et puis on le programme. Le téléphone peut vous appeler, vous envoyer un texto puis dire « Ah, faut que je m'en aille absolument, c'est très, très important. » C'est comme ça. Hein? Quand même assez particulier. Ici, attends un peu, je viens d'avoir une recette de poutine qui est bonne pour la santé. Peut-être je vous en reparler plus tard. Un homme se promène dans les rues de New York et les réactions sont vraiment surprenantes. C'est le mouvement mondial Hold Up Back dont la mission est d'abolir le harcèlement dans la rue qui a démontré cette semaine dans une caméra cachée new-yorkaise qui est devenue virale que le harcèlement de rue était plus fréquent qu'on le croyait pour les femmes. Mais qu'en est-il si l'on tentait de répéter la même expérience avec le sexe opposé? Eh bien, le site humoristique Funny or Die s'est prêté avec humour à l'expérience en parodiant la démarche All a Back. Alors, selon vous, ça se passe comment? Allez voir la vidéo sur la page Facebook du Dîner de Con. Mais oui, on a vu des dizaines de vidéos hein, où les gens seront peut-être un petit peu harcelants envers les jeunes et jolies demoiselles. Ben, pas juste les jeunes et jolies, les demoiselles. On a ici les parents de 12 garçons qui se demandent si enfin leur 13e enfant sera une fille. Eh bien oui, ça se passe à Rockford aux États-Unis, un couple de l'ouest du Michigan qui a déjà 12 fils, attend un 13e enfant. Les deux parents attendent bien poursuivre leur tradition de ne pas connaître le sexe de l'enfant avant l'accouchement. Mais ils affirment qu'ils seraient très étonnés de voir une petite fille naître. Jay et Kateri Schwanz attendent le passage de la cigogne pour le 9 mai prochain. Selon le Grand Rapid Press, okay, qui est un journal là-bas à Rockford. Ils admettent qu'ils attendent d'avoir un 13e fils, mais ils assurent qu'ils seront très heureux, peu importe le sexe de l'enfant. Madame Schwand affirme cependant qu'elle serait sans doute en état de choc si elle donnait enfin naissance à une fille. Elle dit « Si j'avais le choix, Jay Schwand admet qu'il souhaiterait avoir une fille, mais il ajoute qu'il espère seulement que l'enfant sera en bonne santé. Je pense que c'est la seule chose qui nous importe quand on est futur parent. » Hein? Ils sont déjà parents, mes futurs parents, de ce nouveau-né. Le couple a accueilli son 12e fils, Tucker, le 4 août 2013. Leur fils aîné est aujourd'hui âgé, lui, de 22 ans. Fait une bonne grande famille, hein? Kateri Schwand, après avoir été la seule représentante féminine de la famille depuis plus de deux décennies, se dit quant à elle... qu'elle a une légère préférence pour un autre garçon. J'avoue que, personnellement, être elle, je voudrais un autre garçon parce que tout est déjà acheté en 22 exemplaires, non, mais en 12 exemplaires. On a du linge de bébé, on a tout ce qu'il faut pour le petit gars, les jouets. Ça viendrait un peu défaire l'équilibre de la famille. Puis je pense que la madame perdrait aussi son statut de seule femme dans cette maison. Par contre, il est assez clair que le bol des toilettes doit être levé dans cette salle de bain. En tout cas, d'après la démocratie, c'est ce qui devrait être fait. Sur ce, je dis des niaiseries. On parle ici à un homme, on parle d'un homme qui en a fait des niaiseries. Eh bien, il a prétendu être Denzel Washington lors de son arrestation. Donc, c'est un homme du Tennessee qui a été arrêté pour possession de marijuana. Hein, ça, c'est très grave. Et la police a déclaré qu'il était l'acteur... Il a déclaré à la police qu'il était l'acteur oscarisé Denzel Washington. Pour vrai, sur la photo, je sais pas si c'est Denzel Washington, le vrai... ou l'homme, mais d'après moi, ça doit être le vrai Denzel Washington, parce que là, on nous dit les policiers ont répondu à Justin Lee C., 21 ans, qu'il réussirait à tromper personne et ont rapidement découvert qu'il avait enfreint ses conditions de probation liées à un autre incident. Je pense qu'à 21 ans, tu peux pas avoir l'air de Denzel Washington. Il est plus jeune, jeune. Le Daily News a rapporté que la police avait arrêté le jeune homme à Memphis lundi soir, après qu'une plainte eut été déposée concernant du bruit dans son appart. Lors de son arrestation, C a déclaré qu'il était Denzel Washington. Les policiers ont pu avoir sa véritable identité après l'avoir arrêté. Ils affirment avoir découvert plusieurs sachets de marijuana dans son appart. Je pense qu'il en vendait, hein? C'est possible. Et finalement, avant d'aller en musique, pas aller en musique, on va aller en pause publicitaire. Et je vous parle de ces clubs de soccer qui ont marqué 5 fois dans leur but, hein? Pourquoi pas 5? 2 équipes de soccer en Indonésie ont été disqualifiées de l'épreuve éliminatoire opposant les meilleurs clubs de leur division après avoir marqué 5 buts contre leur propre camp pour éviter d'affronter au tour suivant un club apparemment lié à la mafia locale. OK, on a une raison, mais c'est assez particulier quand le sport est aussi clairement dirigé par le crime organisé. Hein? Des vidéos donc diffusées sur Internet montrent que les gardiens des 2 clubs, le PSS Sliman et le PSIS Semenrang, n'ont pas fait le moindre effort pour arrêter les ballons qui filaient dans leur but au cours de ce quart de finale disputé à Yogyakarta, dans le centre de Java, l'île la plus peuplée d'Indonésie. En conséquence, eh bien, les 2 clubs ont été disqualifiés de la compétition. C'est ce qu'a déclaré mercredi à l'AFP le président du comité de discipline de l'Association indonésienne de soccer, Inka Panjaitan, ajoutant qu'une enquête est en cours pour trouver les acteurs derrière cette mise en scène. Le PSIS Semenrang a finalement défait le PSS Sliman, qui a marqué 3 buts contre son camp dans les 3 dernières minutes. Les 2 derniers ont été inscrits par un joueur qui s'appelle Comedy. Un peu drôle, hein? C'était de la comédie. Donc, sur des extraits vidéo, il apparaît clairement que les équipes n'avaient aucune intention de gagner, restant pour l'essentiel retranchées chacune dans leur camp à se passer le ballon. Les 2 formations cherchaient ainsi à éviter d'affronter en demi-finale le Punsamaya Borneo FC, club apparemment soutenu par la mafia locale. Les joueurs craignant pour leur sécurité. Lors d'une récente rencontre sur le terrain de Punsamaya, des supporters de l'équipe ont agressé l'entraîneur du club visiteur, Persis. Les visiteurs ont alors quitté précipitamment le terrain et sont rentrés chez eux en prenant le premier avion, selon le Jakarta Globe. Le PSS Sliman et le PSIS Semenrang disputaient la phase finale de cette compétition entre les clubs de première division juste en dessous de la Super League. Le vainqueur de cette division sera connu à l'issue de l'épreuve éliminatoire intervenant après le championnat. Hein? C'est-tu ça? Mais je pensais que c'était parce qu'il était vraiment mauvais. Mais on peut comprendre, là, quand on a peur de la mafia. Je pense que, tu sais, ça devient juste un jeu de ballon. Hein? Moi, personnellement, ça me dérange pas trop de perdre au lieu de perdre la vie ou perdre des membres. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Master Steph. Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Mathieu. Steph. Demain, c'est quoi? Je sais pas, on a presque pas parlé cette semaine. C'est l'Halloween. L'Halloween. C'est l'Halloween. Ween comme une petite saucisse, Wiener. L'Halloween. C'est ça. Hey. Puis des lolos. Puis des lolos. L'Halloween. Ah, c'est ma fête préférée depuis là. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même préparé quelque chose de très simple. À la fois par manque de temps, mais aussi parce que c'est très Halloweenesque. Halloweenesque. Donc, oui, exactement. Il y a de la citrouille, c'est ce qu'on sait. Il n'y a pas de citrouille. Pas de citrouille. Non, il n'y a pas de citrouille. Cool. On mange pas de citrouille à l'Halloween. Qu'est-ce qu'on mange à l'Halloween? OK, c'est pas les pommes, ça on l'a déjà fait. C'est pas les citrouilles. Qu'est-ce qu'on mange à l'Halloween? Mais comment? Qu'est-ce qu'on mange à l'Halloween? Des bonbons! Ben, des bonbons! Ah, oui, c'est tellement facile. Donc, donc aujourd'hui, je vous ai fait une recette très, très simple. Candy corn white chocolate Halloween bark. Pas des candy corn! Donc, écorce d'Halloween, chocolat blanc et bonbons de maïs. Ah, ça s'appelle le même en français, je savais même pas. Des candy quoi? Corn, des candy corn, je savais pas. Ben non, mais j'ai traduit littéralement. Là. Okay. Ça doit être ça. Bon, bon maïs, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ben voilà, ben voilà. Donc, je vais parler un peu de cette recette-là, mais si vous voulez suivre un peu avec nous, allez tout simplement sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Il y a un album photo, Master Steph. Il vient d'apparaître dans ma face, j'ai ouvert Facebook, puis ploup! Pop! Pop! Donc, c'est simple. J'ai oublié de prendre les ingrédients photo. Mais en fait, vous pouvez pas mal prendre ce que vous voulez. Vous pouvez l'adapter à la fête que vous voulez. Vous pouvez l'adapter aux bonbons que vous préférez. Mais ici, on a choisi le chocolat blanc et les bonbons maïs. Donc, les ingrédients que ça vous prend. Ça vous prend 22 onces de chocolat blanc de qualité. Bien entendu, quand on fait quelque chose comme ça, ça nous prend du chocolat de qualité. Ça, il n'est pas cheap dans vos recettes, là, ça paraît. Parce qu'en plus, le chocolat, il n'est pas mélangé avec autre chose. Donc, okay. Si le chocolat goûte le derrière, quand vous l'achetez, mais il va goûter le derrière aussi à la fin de la recette. Parce que c'est vraiment très, très de base. Tu serais capable d'en faire très, très facilement. Et je te dis, là, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a rien à faire pratiquement. Donc, là, moi, je dis 22 onces. Mais honnêtement, j'ai pris plein d'ingrédients. Je me suis pas mélangé ça. Puis tu y vas au feeling, okay. Là. Donc, 22 onces de chocolat blanc de qualité, une cuillère à table et demie de bonbons à saupoudrer, thématique Halloween, donc des sprinkles. Hein. Je savais pas trop comment traduire ça. Je me dis bonbons à saupoudrer, ça semble être juste. Ça a l'air vrai. Ensuite, 3 quarts de tasse de bonbons maïs, donc candy corn. Et finalement, 1 quart de tasse de graines de citrouille salées. Parce qu'on aimerait ça s'il y avait un petit mélange sucré-salé. Il me semble que ça serait bon. Je pense que oui. Donc, j'espère qu'il y a assez de sel. Voyons. Quoi? Ça doit être mes écouteurs qui j'ai comme buzzé. Dans... Ouais, j'ai comme... Voyons, pourquoi je m'entends plus? Fausse alerte, il se passe rien. Est-ce que je suis rendue muette? Je devrais commencer à parler juste en bougeant les lèvres. Non, ça serait sourd. Ouais, parce que ça. Si je suis muette, je t'entends quand même. C'est juste créer une confusion. Je suis déjà sévelée de même. Enlevez-moi pas mes lunettes en plus. Donc, oui, c'est ça. On aimerait ça qu'on ait un petit sucré salé. Et j'espère que les graines de citrouille sont assez salées. Mm-hmm. Et je suis contente, j'ai dit graines de citrouille. Ça fait 3 jours que je dis graines de tournesol sans arrêt. On dirait que je suis pas capable de dire graines de citrouille. Ah, quand les fois, tu as dit graines de tournesol, c'était les graines de citrouille que tu voulais dire. J'ai-tu dit ça? Je pense qu'il me semble que tu me sabes quelque chose cette semaine, tu m'as dit ça. Ah, peut-être cette semaine. Ouais. Mais je parle tout le temps de graines de tournesol alors que je devrais parler de graines de citrouille. OK, OK. Wow. Ouais, c'est ça. On dirait que graines de tournesol, ça va de soi. Donc, préparation, c'est très, très simple. J'ai pas numéroté les photos, là, mais c'est parce que c'est juste tellement simple. C'est évident. Ouais. On va commencer par couvrir une plaque à biscuits de papier parchemin. C'est déjà très, très simple. Ensuite, on va faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes. On y va, on essaie d'y aller 30 secondes à la fois parce qu'on doit mélanger entre chaque fondage, si on veut. Fondaison. C'est ça, parce qu'on veut pas trop le faire cuire, on veut pas le faire brûler, on veut pas le faire trop chauffer. Donc, on le met 30 secondes, on va mélanger avec la spatule. Donc là, déjà, tu peux avancer dans les photos, ça va te montrer l'avancement de la fondaison. Oui, c'est ça. Donc, une fois que tu as obtenu un mélange lisse et homogène, il n'y a plus de mottons de chocolat parce que c'est tout fondu. C'est très simple, tu vas étendre le chocolat blanc fondu sur la plaque à biscuits. On essaie de ne pas le faire trop mince parce qu'on veut quand même qu'il y ait un crunchy. Une croûte. Idéalement, on essaie de le faire de la même épaisseur partout, mais c'est pas évident. Donc, On n'est pas des gars de la construction là, à être capable de passer le gros rouleau compresseur. C'est ça, donc c'est pas très très grave. On essaie de lisser ça et on finit par licher la spatule, c'est très important. Mais tu prends pas un rouleau là parce que ça va tout coller sur le rouleau. Là. Non, t'as pas besoin, le chocolat est fondu. C'est ça. Tu prends une spatule ou le dos d'une cuillère et tu vas étendre ton chocolat. Juste pour mes amis les morons. Sur ta plaque à biscuits recouverte de papier parchemin. Ensuite, pendant que le chocolat est encore fondu, tu vas garnir de bonbons de maïs, ensuite de graines de citrouille. Ceux qui se rappellent pas, c'est quoi les candy corn ou les bonbons maïs ou peu importe. Là, c'est des petits bonbons qui sont genre orange dans le milieu. C'est comme des cônes ou des triangles. Ils sont particulièrement genre jaune, orange et jaune. C'est le stéréotype du bonbon d'Halloween. C'est le bonbon américain d'Halloween préféré. Exactement. Ça. Oui. Exactement. Okay. C'est vraiment bon. Oui, mais ça, j'adore ça, super. Oui, c'est ça. Donc, tu vas garnir des bonbons de maïs, graines de citrouille. Tu vas mettre tes sprinkles de petits bonbons à saupoudrer thématiques Halloween. Orange et noir, bien sûr. Oui, moi, j'ai tout acheté ça chez Bulk Barn. Oui. C'est le plus pratique, c'est en vrac. Et, tu choisis les quantités. C'est ça. Donc, j'ai pu acheter la quantité de chocolat blanc que je voulais. Tu peux acheter juste un petit peu de sprinkles. En fait, c'est le seul endroit où j'en ai trouvé thématique Halloween. Mm-hmm. Eux autres, je savais qu'il y avait déjà les bonbons maïs, candy corn, parce que j'en avais déjà acheté là-bas. Graines de citrouille salée déjà écalée. C'est-à-dire, c'est parfait. Tu peux en acheter juste un peu. Pas de job du tout à faire. Parce que c'est quand même déjà... C'est quand même dispendieux, un sac de graines de citrouille écalées. Souvent foutu dans le côté bio. Donc, c'est un peu plus même difficile, je te dirais, de trouver ça en épicerie. Donc, aller directement à Bulk Barn. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour faire des écorces. Peu importe la thématique, peu importe la fête. Donc, une fois que vous avez décoré votre écorce comme cela vous plaît, on met au réfrigérateur environ 30 minutes ou jusqu'à ce que ce soit ferme. Là, on n'a encore pas de photo de ton réfrigérateur. Hein? Non, je suis désolée. J'ai pensé juste ce matin sur une photo de réfrigérateur où tu peux te donner l'idée, peut-être une photo de ma cuisinière avec un gros X rouge dessus. No need. Donc, je suis vraiment désolée. J'ai fait ça vraiment très tard hier soir. Là. Donc, j'ai fait réfrigérer toute la nuit, ce que j'ai fait hier soir. Et ce matin... Je me suis levée et quand c'est bien refroidi, on a juste à prendre notre grosse plaque d'écorce et on brise en morceaux. Ben oui. Voilà. La grandeur de morceaux que vous voulez. Donc, quand on n'a pas vraiment de temps et qu'on veut manger quelque chose de différent, quelque chose qui surprend, ben c'est vraiment la recette idéale. Vraiment, ça a l'air bon, là. C'est super rapide. Même toi, tu peux faire ça. T'as vu, tu fais juste fondre ton chocolat au micro-ondes, tu attaches une plaque, tu mets tes bonbons. Ça fait un peu ce que tu avais apporté à une grosse pointe All Dress. Tu te souviens des chocolats Cadbury avec des bonbons à l'intérieur ça? Tu peux en faire maison avec les bonbons que tu préfères. Tu peux choisir aussi le chocolat que tu veux. Si tu préfères le blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Donc, tu y vas comme tu veux. Est-ce que tu peux mélanger les chocolats, faut l'ensemble, les trois? Maintenant? Pourquoi pas? Ouais. Si tu pourrais mettre du chocolat blanc. Ensuite, tu fais fondre un peu de chocolat noir et tu peux le faire des motifs sur le dessus de ton chocolat blanc avec une spatule et tout ça. Ouais. Exactement. Ah, ouais. Donc, tu peux vraiment te laisser aller. Tu peux faire des zigzags, tu peux faire des petits cœurs, des étoiles. Tu te laisses aller comme ça te chante. Te chante, me chante? Comme tu chantes mal. OK, merci. Donc... Étrangement, c'était le plus difficile, c'était de briser l'écorce. Moi, je m'attendais à ce que ça explose en beaux gros morceaux, mais étant donné que c'était peut-être pas d'une épaisseur égale partout, ça l'a brisé où il y avait des faiblesses. Ah oui, comme un iPhone 6 Plus. Exactement. Donc, je te dirais que ça a un peu éclaté comme ça voulait. Donc, j'essaie d'amener les plus beaux morceaux, là, mais j'ai pris aussi les plus beaux morceaux en photo. Donc, si vous voulez voir tout ça, c'est sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Donc, bien entendu, avant de goûter, on va aller en musique. C'est quelque chose de très Halloweenesque, car demain, c'est l'Halloween ou l'Halloween, dépendamment de vos envies, de vos besoins. Donc, on s'en va entendre dès maintenant. C'est la pièce Toxic Candy Corn de la formation Fag-O-Lanterns. Et ça, c'est tiré du maxi Pou Pou Pee Pee Pumpkin Patch Balls. J'espère que t'as pas pris du candy corn toxique, là. C'est ça, là. Tu veux me tuer pour l'Halloween? Thank you. Unicorn de Fagolanterns, tiré du maxi, bien entendu, Poupou, Pipi, Pumpkin Patch Balls. Bien sûr, évidemment. Avec chance. Beaucoup de P. Qu'est-ce qu'ils disent, là? La chaise craque, en tout cas. Oh boy. Eh boy, c'était, ouais, c'était quelque chose, ça. Donc, vous êtes toujours étonnamment à Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Moi, je vous ai fait ce matin une écorce d'Halloween, chocolat blanc et bonbon maïs. Mais vous ne pouvez pas y goûter. Ça dépend. Si vous venez en studio, je vous en donne un morceau, je vous le promets. T'es fine. Donc, j'ai apporté ça ici. Regarde ça, Mathieu, je te laisse prendre ton morceau. Ou je peux le mettre peut-être... Moi? Moi, je vais te l'envoyer par fax. Merci. Dans le couloir magique. Et merci. Impossible de faire les dégâts dans ce couloir magique. Ben non. Ça te tente-tu qu'on le sente? Oui, allons-y. Ça sent le chocolat. Chocolat blanc. Chocolat blanc. Parce qu'on rappelle que c'est chocolat blanc, candy corn et petit sprinkle orange et noir. Et graines de citrouille salée. Moi, sur mon morceau, j'ai vraiment juste un mini morceau de citrouille. J'ai l'impression que ça sera pas salé. Sais-tu ce que j'aurais pu faire? Quoi donc? J'aurais dû rajouter de la fleur de sel sur le dessus. La prochaine fois que je fais de l'écorce, là, je fais ça. Génial. Avec la fleur de sel. Je vous dis tout de suite à la maison, si vous faites la recette, ajoutez de la fleur de sel sur le dessus. Je suis certaine que ça va être délicieux. C'est ça. Fais-toi une recette, quelque chose par rapport à un arbre en forme d'arbre pour pouvoir faire entre l'arbre et l'écorce. Si tu commentes les deux, puis c'est une photo comme... Je commente les deux. C'est drôle. On y goûte-tu à la place? On y goûte. Parfait. J'ai pogné un bout qui a des graines de citrouille. Hein? Je vais cramper aussi. Ça se bat dans ma bouche comme plein de goût. Tout en même temps, c'est bon. C'est très, très, très, très, très, très, très, très, très sucré, non? Ben oui, mais le chocolat est extrêmement sucré, c'est du chocolat blanc. Le candy corn a une texture que j'aime beaucoup. C'est pas jujube du tout, un candy corn. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, c'est une texture un peu... C'est vraiment dur à décrire, en fait. C'est quand même fondant. Ouais. C'est... La dent passe à travers, ça rebondit pas comme sur un... voyons, les petits nounours, là. Ben, jujube. Ouais, c'est, ben, pas toutes les... En tout cas... Mais les jujubes qui sont mâchouillants un peu, c'est comme... Peut-être comme les bananes, les petites bananes bonbons, là. Oui, ça passe à travers, là. Peut-être même légèrement guimauvé, si on veut, un là. Mais un peu dur. Oui, ça passe à travers. Là. C'est ça. Donc ça, c'est le candy corn qui a sa texture particulière. Et le chocolat blanc a la texture d'un chocolat, bien sûr. Très fondant. Très fondant, très sucré et un goût caractéristique qu'on connaît tous qui vient se mélanger à merveille. Les sprinkles, c'est sûr qu'on les goûte pas énormément. C'est plus pour la décoration, je pense. Ben moi, j'aime ça parce que ça donne un petit mini croquant aussi quand on y goûte, avec les graines de citrouille aussi. Les graines de citrouille qui donnent évidemment un croquant, on connaît tous. Je trouve que le candy corn et le chocolat blanc ensemble, c'est vraiment très bon. C'est un bon mélange. C'est vraiment un bon mélange. Je vais y goûter pour être sûr. Allons-y. Mais je pense que tu tannerais vite dans le sens que tu mangerais pas l'écorce au complet. Mais c'est pas ça le but. Non. C'est un luxe. C'est un dessert. Oh ouais. Même, j'ai mangé deux bouchées et pour moi, ça serait suffisant pour le moment. J'attendrai à demain avant d'en reprendre un autre petit morceau. Tout à fait. Moi, je pense que finir ce morceau-là à la fin de l'émission tantôt va être parfait. Puis le reste, genre... Pas mal plus tard, mettons. pas dans la même journée, mettons. Mais c'est ça. Mais c'est très bon. C'est vraiment une rage de sucre intense. Mais sinon, tu peux toujours y aller avec le chocolat noir si tu veux te faire quelque chose d'un peu plus amer. Donc, tu y vas vraiment avec tes goûts. Mais je trouve que vraiment, mélange candy corn et chocolat blanc, je trouve que c'est très gagnant ensemble. Tout à fait. Et ça se mélange très, très bien. Ça se complète très, très bien. Mais moi, je me demande si tu mettais... du chocolat noir, il faudrait que tu trouves des sprinkles blancs et orange parce que le noir et orange, ça ne fitera pas autant. T'sais. Non, mais noir, je te dirais, fais ça pour Noël avec des sprinkles rouges et tout ça. Vert. Je vais probablement en refaire. Mais tu remplaces les candy corn par quoi? Il n'y a pas de candy corn à Noël? En général, ce qu'on retrouve, c'est des... cannes de bonbons. Du concassé de cannes de bonbons. Ben oui. Exactement. Moi, j'adore, dans l'épicerie, là, le choix du président... pour les nommer. Ils font des écorces de Noël avec des morceaux de canne de bonbons. C'est vraiment super bon. Puis ils sont souvent genre pas du tout achetés par personne. Donc, ils finissent par dans le bac à rabais. Puis tu te fais une cargaison pour les 6 prochains mois. Puis c'est super le fun. Ah, mais écoute, je vais probablement en refaire pour Noël. Génial. Donc, on va essayer d'autres textures, d'autres saveurs. C'est magnifique. Encore une autre recette réussie de Master Steph. Est-ce qu'on a des trucs et astuces en fin de chronique? Bien sûr, on a des trucs et astuces. Astuces. On n'a jamais vraiment réussi à figurer la chanson. Tout truc. Et astuces. Oh, oh. Et ouais. Donc, Mathieu, comment récupérer la base des céleris? Comment récupérer de cette mauvaise chanson? La base des céleris. Ouais. Et crime, je sais pas. On n'est pas obligé d'y jeter. Hein? Ne jetez plus la base de vos céleris. Détrompez-vous. Placez-le dans un verre d'eau avec un peu d'eau. Au bout d'une semaine, des feuilles recommenceront à apparaître. Vous pouvez ensuite le planter en terre dans la saison ou dehors. Même principe pour la salade. Hein, tu peux garder la base, tremper ça dans l'eau, ça repousse, plante ça, puis tu fais tes propres céleris. Le céleri a sa propre graine, toi. Ensuite, faire pousser des oignons verts. Des échalotes. C'est pas la même chose qu'une échalote, tu m'as déjà dit, hein, c'est ça? Ben, en fait, on appelle ça des échalotes, là, les longues tiges vertes. Okay. Là. Oui. Mais en réalité, c'est des oignons verts. Un truc pour faire pousser des oignons verts, tu places tes oignons verts, OK, dans l'eau avec la racine vers le bas, puis ils vont pousser à l'infini. Tu laisses le pot sur le comptoir et les oignons vont toujours continuer à pousser. Je peux commencer à le mettre dans ma bouche, puis il va tout le temps en avoir. Non, mais ça prend quand même un certain temps avant de pousser. Là. Fait que tu mets ça dans un verre d'eau, fait que tu as juste à couper ce dont tu as besoin et ça va continuer à pousser. C'est malade. Éternellement. Wow. Dans mon ventre, est-ce que ça va continuer à pousser si, mettons, il y a de l'eau dans le fond? C'est comme si tu manges le pot à biscuits puis que tu vas dans un désert. Mettons. Ensuite, c'est de faire des bonbons santé aux fraises. Okay. Petite collation facile. Tu peux faire toi-même des délicieux jujubes santé à partir de vraies fraises. Donc, tu fais sécher des morceaux de fraises au four sur une plaque. Donc, 3 heures à 200 Fahrenheit. Donc, le résultat donne une texture ressemblant à celle de la réglisse. Hein? Vous pouvez les manger telles quelles ou bien les mettre dans des céréales, des muffins, des crêpes. Donc, c'est très simple. Tes fraises pendant 3 heures à 200 au four. Bonne idée. Voilà. C'est ton fraise. Ouais, avec des petits jujubes maison. Ensuite, pour adoucir le goût des oignons crus. Donc, si vous aimez le goût sucré des oignons rouges crus, mais vous les trouvez un peu trop forts, ben, tranchez-les ou coupez-les, puis laissez-les simplement tremper dans l'eau froide pendant 10 minutes. Ah. Donc, le goût va être là, mais en beaucoup moins intense. Cool. Ensuite, et je termine avec quelque chose peut-être de circonstance, pour conserver ces citrouilles plus longtemps. Donc là, c'est sûr que si vous la sculptez, la trempez dans l'eau de Javel, vous ne pouvez pas la manger après. Non. Mais si vous voulez manger cette citrouille-là, donc une fois taillée, les citrouilles se gâtent rapidement. Donc, pour les garder plus longtemps, vous pouvez y mettre quelques sachets de sel de silice qui vont absorber l'humidité. Donc, ces petits sachets-là sont facilement trouvables puisqu'ils viennent dans l'emballage de plusieurs produits. Tu sais, les petits sachets... Ne pas manger. Non. C'est écrit dessus, ne pas ingérer, ne pas manger. Il y en a même dans le bœuf jerky, ben le oui. bœuf séché, dans les boîtes de souliers, tout ça. Donc, on met ça à l'intérieur de notre citrouille et ça va... on n'ouvre pas le sachet, bien entendu. Et ça va empêcher la citrouille de se gâter rapidement. C'est drôle, tu dis ça comme sûrement en blague, tu sais, on n'ouvre pas le sachet, bien sûr. D'après moi, il y a des gens qui ont ouvert le sachet en lisant un conseil comme ça à un moment donné, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des gens Ben oui. Ben oui, mais même, t'as pas besoin... Je dis, tu vois le sachet, je veux dire... Tu te demandes ce qu'il y a dedans, t'as le goût de l'ouvrir. C'est sûr. T'as-tu déjà ouvert ça? Non, il y a sûrement une surprise dedans. Ben, c'est des petites graines. OK. Il n'y a pas de petits collants, c'est pas comme des Cracker Jack. C'est mieux de pas ouvrir. Non. C'est pas bon. C'est tout! Hey! C'était une très bonne chronique, Master Steph, comme toujours. On la retrouve dans sa chronique, dans sa case habituelle, les mercredis à 9h. Oui. À la semaine prochaine. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On commence tout de suite. Et pourquoi pas, à commencer cette journée, ça fait toujours un peu de chaleur au cœur. Parler sexe, eh bien, les Québécois fantasment, semble-t-il, sur le sadomasochisme. Avez-vous déjà rêvé de vous faire attacher à un lit? Vous n'êtes pas les seuls, plus d'un Québécois sur deux a ce genre de fantasme. Moi, non, l'histoire d'attachement, non, me semble, moi, j'aime ma liberté. J'aime pas être pogné sur un lit. Et peut-être, en tout cas. D'après le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, il s'agit là d'une d'une paraphilie, d'un fantasme atypique, voire anormal, un verdict qui fait bondir un chercheur québécois. Mais si votre conjoint est parfaitement un consentant, où est le mal? Surtout, comment détermine-t-on ce qui révèle de la normalité ou non, hein? Et si on demandait aux gens de quoi ils rêvent exactement pour voir si ces comportements sont si atypiques que ça, c'est précisément ce que vient de faire Christian Joyal, un professeur de neuropsychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ben oui, et chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Intéressant, hein, d'avoir un chercheur comme ça de l'université. Monsieur Christian Joyal nous dit c'est une première. Il a sondé pas moins de 800 femmes et plus de 720 hommes âgés de 18 à 75 ans pour leur demander exactement en quoi consistait leur fantasme sexuel. Les résultats inusités doivent être publiés sous peu dans le Journal of Sexual Medicine. Journal of Sexual Medicine, exactement. Surprise, tant les hommes que les femmes rapportent des fantasmes sado-maso dans une proportion de 50 à 60. Vrai, les femmes ont davantage de fantasmes de soumission, les hommes plutôt de domination, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Mais beaucoup de ceux qui rapportent des fantasmes de soumission veulent aussi s'amuser à dominer, poursuit le chercheur. Ça, je ne m'attendais pas à ça, ajoute M. Joyal. Deuxième surprise, c'est que les femmes rapportent des fantasmes de soumission assez extrêmes, notamment le rêve de se faire violer par un inconnu. C'est pas la première fois qu'on l'entend, celle-là. Moi, je trouve ça assez roteux. Que des femmes, c'est la... En tout cas, beaucoup, là, même, on... En tout cas, aimeraient se faire... Rêve de se faire violer par un inconnu ou de se faire prendre par le cou. Mais nuance, car si les hommes désirent clairement réaliser leur fantasme, les femmes précisent au contraire qu'il ne faudrait surtout pas que ça arrive pour vrai. Mais dans leur fantasme, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi ça les excite de l'imaginer, OK? Mais pas de le vivre, assez bizarre. Mais bon, hein, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est la femme, c'est assez particulier. Mais moi, je trouve ça quand même bizarre, sérieux. Mais gars, moi aussi, je suis bizarre, fait que y a pas de problème. Autre surprise, chez les hommes, outre les fantasmes classiques implantant des femmes qui ne sont pas leurs conjointes, du sexe oral ou des aventures à trois, plusieurs tournent autour de la pénétration anale par un she-male, donc une femme, mais avec un pénis ou un gars de Michet. De 12 à 15% des hommes mentionnent ce fantasme, poursuit le chercheur, alors que ce sont des hétérosexuels. Ce n'est pas négligeable. Vraiment très intéressant, ça aussi. Quand même, de 12 à 15. Enfin, hommes et femmes partagent aussi une folle de fantasmes, notamment de faire l'amour sur la plage, dans les toilettes d'un resto. Bon, ça, c'est... Sur la plage et dans les toilettes d'un resto, moi, je trouve que c'est pas des gros fantasmes. Il n'y a pas une si grande différence entre les hommes et les femmes, a noté le chercheur. Pour arriver à dresser une liste de 50 fantasmes, son équipe s'est inspirée des thèmes proposés par les sites de porno, ainsi que par des mots-clés les plus souvent recherchés sur la toile. En prime, ils ont laissé une question ouverte aux participants. Dans un deuxième sondage, dont les résultats seront cette fois-ci publiés en 2015, il s'est attaqué spécifiquement aux paraphilies, donc des fantasmes qui vont du voyeurisme au sadisme, en passant par la bestialité et l'exhibitionnisme, tel que défini par l'Association américaine de psychiatrie. Résultat, en tête de liste arrive le voyeurisme. Ben ça, hein, on peut comprendre. Puis en plus, c'est pas un fantasme qui est très impliquant, hein, être un voyeur. Plusieurs mentionnent aussi des pratiques sadomaso, comme se faire attacher, se faire donner la fessée, des comportements jugés ici atypiques. Peut-être pas. La fessée, ça dépend tout le temps à quelle force, hein, la fessée. C'est la question qui tue. Est-ce que vous faites du mal à quelqu'un? OK. Est-ce que la personne est consentante? Si l'autre n'est pas consentant ou si vous avez absolument besoin de ça, oui, il y a probablement un problème, mais sinon, s'interroge le chercheur. Le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, qui en est à sa 5e édition, le DSM-5, définit la liste des troubles mentaux. C'est la bible des psychiatres, rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on y retrouvait notamment l'homosexualité. Et vous? Quelles sont vos petites coquineries? Répondez-y, hein, et puis vous pouvez même l'écrire sur sa page Facebook. Faire plaisir de vous lire et sans mentionner votre nom. Mais c'est vrai, là. Tiens, on va aller complètement dans un autre dossier. Eh bien oui, c'est le what the fuck du jour. Attention au poteau au milieu de la rue à Saint-Théodore-d'Acton. Saint-Théodore-d'Acton, qu'est-ce que ce beau poteau fait là en plein milieu de la chaussée? Depuis plusieurs mois, les résidents de Saint-Théodore ont pris l'habitude de le contourner, hein, comme s'il faisait partie intégrante du paysage du village. Pourtant, le directeur général de la municipalité avoue que tout cela a l'air ridicule. Et là, c'est pas pire en plein été, mais que l'hiver arrive, ça va être le fun pour la charrue de passer. Marc Lévesque explique que des travaux d'élargissement de la rue rue Dufresne, au coin de la rue principale, ont été exécutés par la ville. Il fallait élargir avant que le ministère des Transports pave la rue. Hein? Hydro-Québec n'a pas déplacé le poteau avant les travaux, même si ça avait été demandé, affirme-t-il. Hydro, c'est parce qu'il manque de budget, c'est leur problème. Selon lui, la pièce de charpente ne soutient plus le courant électrique, mais supporte encore les services de télécommunication. Hydro attend que ces compagnies... c'est là le problème. Donc, Hydro attend après Bell, hein, ou autre compagnie de téléphone pour déplacer le poteau. M. Lévesque considère que la ville a tout fait son possible pour régler la situation. On a même relancé Hydro-Québec, mais on n'a pas eu de nouvelles. La société d'État a confirmé hier que les fils électriques avaient été transférés sur de nouveaux poteaux le 8 août dernier et qu'elle attendait de ses partenaires, soit Bell et Cogeco, qu'ils retirent leur matériel à leur tour. Une porte-parole d'Hydro-Québec a toutefois assuré que pour la sécurité du public, le poteau devrait être retiré d'ici la fin de semaine. Ben, gars, tu vois, ça vaut la peine de se plaindre dans les journaux. Ici, c'était pas l'idée du jour et vous allez comprendre pourquoi. Vraiment, bien mauvaise idée que de tenter de traverser un pont surveillé par des dizaines de policiers en pleine crise nationale, hein, lorsqu'on transporte surtout 18 kilos de cannabis. Donc, deux présumés trafiquants l'ont appris à leur dépens mercredi en traversant le pont quartier McDonald quelques heures après l'attentat au monument commémoratif de guerre au Parlement d'Ottawa. Hein? Brillant, bonne idée. C'est quoi? Ça pressait vraiment de le transporter et puis on n'aurait pas pu choisir un autre chemin, je ne sais pas. Attendre au moins quelques jours. Hein. Le 22 octobre, les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier de l'Outaouais ont procédé à l'arrestation de deux personnes relativement à une affaire de trafic de stupéfiants. Les policiers vérifiaient sans exception tous les véhicules qui sortaient de Ottawa pour se diriger vers Gatineau. Les policiers ont saisi alors plus de 18 kg de cannabis ainsi que de l'argent après avoir vérifié la voiture dans laquelle se trouvaient les deux suspects. Un homme de 61 ans de Gracefield et un homme de 28 ans de Salaberry. Valleyfield. Ils ont été libérés avec promesse de comparaître et devront se présenter à la cour à une date ultérieure. Bien que cette saisie était imprévue, elle demeure légale, explique le sergent Marc Tessier de la Sûreté du Québec. C'est comme lorsqu'il y a un barrage contre l'alcool au volant et qu'on observe un article illégal dans une voiture. La SQ avait le mandat pour continuer la fouille, précise le sergent. Moi, la seule chose que je trouve cave, c'est que encore en 2014, eh bien oui, on s'occupe d'une histoire de plantes. Hein? On s'en fout si on se promène avec des tomates, 18 000 barils de tomates ou même avec plein de bouteilles d'alcool. On y aurait pu être chargé de 25 000 bouteilles de vin. Pas de problème, mais on a décidé, certains gens dans la société ont décidé que transporter du cannabis, c'était grave. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Mais moi, ce que je dis, c'est que les gars auraient dû y penser avant, parce que c'est pas la meilleure idée du jour, mettons. Saviez-vous que pour devenir Miss Ouganda, eh bien, il faut savoir traire les vaches et garder les moutons? Eh bien oui, oubliez les démarches glamour en talons hauts et les poses sexy en maillot de bain. Pour devenir Miss Ouganda 2014, il faut savoir tout faire ce que je vous viens de vous dire. Galanguka, 23 ans, s'est imposée samedi soir sur un podium à l'issue du traditionnel défilé devant 19 autres finalistes dans un concours de beauté désormais voué à promouvoir l'agriculture, qui l'a vu travailler dans un élevage de poulets ainsi que dans une champignonnière. Une gageure pour les candidates venues de la plupart de la capitale Kampala et un peu en phase avec les campagnes ougandaises. C'est sûr, c'est des filles de la ville. Et puis là, on leur demande de faire des choses plutôt du secteur agricole, hein, qui présente de nombreuses opportunités d'emploi. Donc, je suis très reconnaissante de voir que le concours a évolué dans cette direction. Elle nous dit qu'elle souhaite vraiment une promotion de l'agriculture dans son pays parce qu'elle constitue le socle. C'est ce qu'a déclaré donc la jeune femme rayonnante après son élection, portant la tiare argentée, robe dorée et l'écharpe de Miss Ouganda. Je la cite toujours, je suis trop heureuse, je ne m'y attendais vraiment pas, à ajouter cette étudiante en sciences et en informatique à Kampala qui a gagné en plus une voiture avec son prix. Le concours de beauté organisé depuis des années selon les critères habituels était officiellement voué cette année à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le milieu agricole en partenariat avec l'armée qui possède de vastes intérêts commerciaux dans ce secteur. Ces filles ont fait des expériences qui ont bouleversé leur vie. Elles ont trouvé en elles-mêmes les compétences de nouveaux métiers, ce qui est très différent des précédentes éditions du concours, a expliqué l'organisateur Joram Mouzira. Et nous sommes concentrés sur la création d'emplois plus que sur la célébration de la beauté, a-t-il ajouté. L'économie ougandaise dépend principalement de l'agriculture. Bonne chose, c'est une bonne nouvelle, moi je trouve, c'est parfait comme ça. Et puis, rapidement comme ça, pour vaincre les poux, arrêtez donc les selfies. Eh bien oui, la propagation des poux chez les adolescents est causée, selon les experts, par l'engouement pour le selfie. Hein? Ces selfies pris à plusieurs ou à deux facilitent la transmission de ces parasites et font entrer, bien sûr, leur tête en contact avec les autres. C'est lors de ce moment de contact que là, le party se passe. Hein? Il s'agit de la principale voie de transmission des poux parmi les enfants ainsi que les adolescents. S'inquiète l'agence qui rappelle que les enfants ayant des poux doivent être isolés afin d'éviter qu'ils ne transmettent pas leurs poux à leurs camarades. Très prisé par les jeunes Russes, le selfie est un autoportrait prisé à l'aide de téléphones intelligents. On le sait, hein? Une chance qu'on nous l'explique. Et puis, tiens, avant d'aller en pause publicitaire, c'est vraiment assez particulier. Ce que la télé norvégienne filme en continu en ce moment, eh bien, ben oui, depuis des jours, les médias locaux dirigent leurs caméras vers la montagne isolée de Manen, dans l'ouest de la Norvège, qui est sur le point de se fissurer ainsi que de se disloquer. La télévision d'État, la NRK, diffuse la façade rocheuse en continu sur son site web. La semaine dernière, 11 personnes ont dû quitter le secteur auquel l'accès est maintenant interdit. Les webcams ne peuvent toutefois garantir un bon spectacle. L'éboulement peut se produire en soirée et la pluie ou la bruine peuvent nuire à la vision du jour. Alors que la noirceur tombait jeudi, un petit éboulement de 15 secondes a été la grosse nouvelle de la journée. Donc, c'est pour les amateurs de télévision lente. Hein? C'est une nouvelle mode, ça. De plus en plus, on peut voir ça sur YouTube, des émissions ou presque, ou des émissions en tout cas rediffusées, mais qui durent des heures où il ne se passe rien. Mais c'est un peu comme, moi je dirais, c'est de la télévision lente ou de la télévision ambiante. Hein? Un peu de la musique ambiante. Des fois, on dit que la musique ne passe rien. Mais c'est où la vie roule au rythme de la vie et on n'essaye pas de l'accélérer, on n'essaye pas de provoquer quelque chose de particulier, mais c'est comme ça. C'est comme l'autre jour, sur YouTube, j'ai trouvé pendant au moins, c'était je pense 15 heures, c'était un bruit de ventilateur dans une pièce. Et puis, il y avait plusieurs milliers de vues, là. Imaginez. On écoute un bruit de ventilateur, c'est reposant. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30, et le dîner de cons, de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.